I don't tip the boat over. Rock the boat. I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Parlons Cinéma, l'émission où on discute des actualités cinématographiques qui nous ont marqué durant le mois passé. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 15 où nous parlerons des actualités du 28 juin au 26 juillet 2016, date d'enregistrement de ce numéro. Je suis Axel, votre hôte durant cette émission. Ah non, on est le 26, Axel. On est le 26 Mais si, je viens de dire le 26. Ah, j'ai compris 28. Donc, si... je me réécouterai au montage et je verrai si j'aurais dit 28 ou 26. Mais en tout cas, on est le 26, voilà. Bon, on continue, on s'en fout. C'est les vacances. Hein. Donc, Axel, votre hôte, comme d'habitude, et en invité, bah, vous l'avez déjà entendu, Morgane, salut. Bonjour. Comment vas-tu? Super bien. Ouais? Ouais. Comme d'hab. Oh bah oui. Par contre, il fait chaud. Ouais. Oui, non, mais c'est pas très agréable. Bah, même là, je suis en train d'enregistrer dans une pièce. Bon, je vous dis tous les coulis. Je suis dans ma salle de bain parce que c'est là où le wifi marche le mieux. Il fait froid en plus. Enfin, il fait frais. Ah non. Au contraire, non, j'ai maintenant parce que le soleil tape dans. Enfin, la salle de bain est exposée. Enfin, un moment architecture. La salle de bain est exposée au soleil. Là, donc là, du coup, si vous voulez, j'ai le soleil dans le dos. D'accord. Donc je vais bronzer du dos. Ce début de podcast va vous donner le ton de toute cette émission parce que c'est un peu voilà, un peu n'importe comment, mais bon, on s'en fiche. Hein, on est en vacances, on va dire. C'est dingue donc, parce qu'à chaque fois, même on va expliquer un petit peu. Quand on est 3-4, on se dit bon, ça, on risque de s'étaler un peu. Même là, quand on est 2, on s'étale. C'est dingue. Hein. Mais oui, mais parce que on essaie, je sais pas pourquoi. On est trop naturel, je pense. On devrait être plus non, France mais Inter. C'est bien. Je pense que c'est ce que les gens qui nous écoutent aiment. Oui. Enfin, je pense. J'espère. Bah, disons que peut-être il va falloir à partir du mois de septembre être plus France Inter que Hanouna. Vous voyez, non, mais dans le ton. On est trop Hanouna. On n'est pas assez France Inter. On est trop pas sérieux. Tu sais, il y a genre une échelle entre les deux quand même. Et c'est quand même l'un l'opposé de l'autre quoi. Donc, bah pour preuve là, ça fait 2 minutes d'intro qu'on est en train de faire. Ouais. Alors qu'on parle est de deux. Rien. Mais oui. Alors qu'on est que mais deux. C'est bien. Voilà. Mais écoute, mais parfois c'est bien aussi de parler un peu de rien. Oui, on parle de nos vies un peu. Mais voilà. Donc j'avais dit le mois dernier, donc déjà on va faire quelques explications, pas de Movie Nerd le mois dernier, je crois qu'on a dit qu'on en ferait un, mais finalement on a décidé avec Morgane de commun accord que ce serait mieux de faire un podcast comme l'année dernière. On va faire un hors-série bilan de l'été en fin août qui sera diffusé début septembre pour vous donner nos avis sur différents films qu'on a pu voir durant l'été, donc ça ce sera début septembre que ce sera diffusé. Voilà. Afin de vous conseiller des films du mois de juin qui ne seront plus à l'affiche. Plus à l'affiche. Mais oui, mais c'est bien. C'est l'idée. Voilà. Mais donc juin, juillet, août, voilà, on fera tout ça. Et ensuite, j'avais aussi dit qu'on essaierait d'avoir une date à peu près. Plus que par rapport à ce qui était prévu au niveau des podcasts Parlons Cinéma, mais là, Comic-Con oblige, on était un peu obligé de retarder pour ne pas avoir à parler de ce qui s'est passé au Comic-Con le mois prochain, où tout le monde aurait oublié ce qui s'est passé, voilà. Donc le Comic-Con s'est passé c'est fini il y a 2 jours, je crois, oui c'est ça, dimanche. Donc on peut parler assez... fraîchement de tout ce qu'on a pu entendre parler. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Oui. On va commencer parce qu'il y a pas mal de choses quand même, comme d'habitude. On a pas mal de choses à dire sur pas mal de choses. Oui, certaines passées. Choses seront plus rapides que d'autres. Mais... Ouais, à chaque fois on dit ça, mais finalement, en fait, je me suis rendu compte, on va encore faire une parenthèse. Je vais encore manger à 23h30. Bah oui, mais moi non plus, j'ai pas à manger, ça me déconcentre. Donc, à chaque fois qu'on dit qu'on va pas faire long sur quelque chose, en fait, je me rends compte que c'est sur ça qu'on fait plus long. C'est quand même bizarre. Mais voilà, quoi, c'est comme ça. C'est ça. Exactement. On va commencer avec quelque chose de sérieux. Oui, commençons. Quelque chose de vraiment sérieux, quoi, un documentaire de Jacques Perrin. Ça pourrait, hein. quand j'ai vu le quand j'ai vu la bande annonce, s'il n'y avait pas eu le budget énorme et la voix de Brad Pitt, je me suis dit bon, c'est un film de Jacques Perrin. Mais finalement, c'est la première bande annonce de Voyage of Time de Terrence Malick avec la voix de Brad Pitt, donc qui narre. Ce sera qui narre tout la naissance de la Terre et la mort de la Terre aussi. Voilà, c'est ça. Vous savez déjà la fin. Donc, ben oui. À la fin, on meurt. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'échappatoire. Hein. Donc, voilà, Terrence Malick qui revient avec cette fois un documentaire prévu en IMAX pour on ne sait pas quand, puisqu'il n'y a pas encore de date de sortie. Mais voilà, comme la première bande-annonce est sortie, je pense que ça peut sortir au début 2017, je pense. Hein. Ouais, voilà, j'allais dire fin 2016, début 2017. Ouais, je vois ça au mois de février. Ouais. Ouais. Ouais, un truc comme ça. Ouais, ou alors comme Night of Cups, décembre. Ouais, décembre, paraît, janvier. Ouais. Bon. Donc voilà. Est-ce que tu as vu la première bande-annonce? Toi aussi? T'en as pensé quoi? Que c'était trop beau. Alors j'avais dit, souvenez-vous, dans le précédent podcast, que Terrence Malick et moi, on avait rompu parce que Night of Cups, c'est parce que à la merveille surtout. Mais là, Terrence Malick touche. En tout cas, quand j'ai vu la bande-annonce, en plus c'est pas un film, c'est un documentaire. Un documentaire. Enfin, c'est un peu compliqué parce que bon, il va pas filmer la fin du monde, ce serait fou. À moins que. Oui, il y a un documentaire. Il a des visions du futur. Voilà, c'est ça. Donc, il est allé dans le futur. Enfin, voilà. Mm-hmm. Et les nouvelles sont pas très bonnes, visiblement. Mais non, c'est beau. Et c'est surtout de voir que Malick va, pour la première fois de sa vie, tourner en IMAX. Et je suis très, très curieux de voir ça. Parce que, malgré toutes les réticences que j'ai sur les derniers films de Malick, ça reste quand même un cinéaste techniquement virtuose, c'est-à-dire qu'il filme un coucher de soleil comme personne, c'est-à-dire que il filme un rideau, enfin il filme une machine à laver en train de tourner, bah ça me bouleverse. Non mais il peut filmer n'importe quoi, c'est. Mais oui. Les pires horreurs de l'humanité, il pourrait les filmer. Oui, parce que La Ligne Rouge, même si j'avais dit que c'était pas le film le plus passionnant du monde pour moi, même si c'est un chef-d'œuvre, je sais. Vraiment, il y a des scènes de barbarie qui sont juste magnifiques. Et du coup, ça me plaît. C'est bizarre. Mais en même temps, d'un point de vue purement personnel, je suis très touché et toujours ému quand ça parle de la Terre, de la naissance de la Terre. Et voilà, j'ai une espèce de fascination, pas pour la mort, mais pour la fin de la vie. Comment tout ce qui nous entoure va s'arrêter. Youpi. Et de voir que Terrence Malick va nous montrer ça, bah moi personnellement ça me donne super envie. J'ai l'impression que je vais vraiment voir quelque chose d'assez fort, d'assez bouleversant, comme l'était The Tree of Life au final, parce que bah, la scène du Big Bang dans The Tree of Life était juste d'une beauté absolument monstrueuse. Et donc si je peux retrouver les émotions que j'avais devant cette scène là devant ce documentaire, franchement, c'est tout ce que je demande. Donc, je vais laisser quand même une chance à Malick avec ce documentaire. Et surtout, en plus, bon, c'est narré par Brad Pitt. Donc, voilà, le lien avec The Tree of Life est quand même assez évident. Donc, parce que The Tree of Life est un de mes films préférés, je vais aller voir avec enthousiasme ce documentaire. Voilà. Donc, ok. Je sais pas comment je vais faire. Parce que j'ai pas entendu ton ami. Je sais pas comment rebondir. Expliquons ce qui s'est passé. Parce que vous risquez peut-être d'entendre pendant que je vais parler. Il y a des problèmes énormes de connexion. De connexion, voilà. Ouais. Et en fait, si vous voulez, à un moment, ça a bugué. Et le Skype, mon Skype n'arrêtait pas de me dire qu'il fallait que je me reconnecte. Ça faisait un tout, tout, tout, tout, tout, tout. Voilà. Vous risquez de l'entendre pendant que je parle. En fait, si vous voulez, je savais qu'Axel ne m'entendait plus. Mais moi, Mais il a continué en tant que professionnel et très investi et surtout talentueux, j'ai envie de dire. J'ai continué à parler et donc Axel a dit ok à un truc j'aurais même pu l'insulter en lui disant Axel, t'es une pauvre tâche. Il aurait dit ok. Mais j'aurais dit ok, mais très bien. Très bien. On continue. Bah, je suis du même avis que toi. Je suis d'accord avec toi. Bon, si on continue. On va y arriver, ça y est. On a fait une news. Sens, tu sais, genre, c'est le naufrage du Titanic en ce moment. Ah, c'est horrible, putain. Il y a les violonistes à côté, là. Bon, alors, Ben, moi je l'ai vu aussi la bande-annonce, Voyage of Time, ça m'a plu, mais j'ai pas de cinéma IMAX à côté de moi et je sens qu'il va pas passer. Ah bah oui. Donc je suis un peu dégoûté parce que je pense que ça fait partie complètement de l'expérience du truc. Donc c'est beau, je le verrai sur un petit écran de merde et point. Et voilà. Puis c'est de voir franchement Terrence Malick dans, avec une caméra IMAX. Qu'est-ce qui peut déjà que c'est beau et l'IMAX ça embellit encore plus les choses et donc voilà Malick. Mais l'IMAX ça coûte super cher à tourner donc je sais pas s'il a tourné tout le film en IMAX. Ouais, je suis peut-être un peu plus sceptique que Malick, on peut pas dire qu'en matière de budget. Non, et en plus, enfin, j'avais fait une fois un calcul, enfin, c'était un ami qui m'avait dit le prix d'une minute de film en IMAX et je m'en souviens plus, hein, mais on avait fait un calcul sur un film d'1h30 et ça revenait quasiment au milliard. Donc, Ah bah Inception. Ouais, mais Inception, c'est pas complètement IMAX. Ah ouais, ni Batman, Dark Knight. Ah bah Rise, ça c'est sûr, rien. Ça se voit. C'est des scènes qui sont tournées en IMAX et qui coûtent déjà des blindes. Donc voilà, il a pas trop tourné en IMAX, mais malgré ça, j'aurais quand même voulu le voir en IMAX. Mais voilà, que voulez-vous ? Faut venir chez moi. Go mon grand cuvier. T'as de la chance d'avoir quand même une salle IMAX. Ah oui, j'ai salle IMAX, cinéma d'art essai qui prennent la carte illimitée, go mon pâté, donc je suis tranquille. J'ai un pâté, j'ai un Kinépolis, bon il est là, il sert à rien. Non, franchement, je suis bien, on est bien à Rouen, on est bien. Hein. Malgré les événements récents qui sont passés, hein, au jour où on enregistre, oui, c'était à côté de chez moi, hein, 15 km. Mais franchement, ça reste une très belle ville, malgré tout. Ouais, bah oui. Viendez, on est bien. Ouais, c'est comme si tu parlais du Groland. Bon, alors on va continuer avec la nouvelle bande-annonce du film de Clint Eastwood, Sully. Ce qui est bien avec Clint Eastwood, c'est que là, avec ce film, il réalise un spin-off de Monstres et Compagnie. Ah non, je confonds peut-être. Ouais. Ah, oups! Non, c'est le remake de Flight! Ah, mais oui, c'est vrai! Oh là là! En plus, oh là là, alors, c'est trop raciste! Il a pris Tom Hanks, c'est un blanc! Voilà, Tom donc Hanks tout ce troll pour dire que. Tom Hanks qui ressemble beaucoup à Pierre Belmar, je trouve. Ouais, quand j'ai vu les photos. J'ai pas vu la bande-annonce, ce sera tout seul. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais. Donc, la bande-annonce, ça parle de. Enfin, le film parle plutôt. Donc, c'est Tom Hanks qui joue le capitaine Sully Sullenberg, justement, pilote d'avion, qui avait réussi à amerrir sur l'Hudson River en sauvant pas mal de vies. 155 occupants, donc quasiment. Enfin, tout le monde, je crois, de l'avion en 2009. Et donc après il a été mis en examen, etc. Enfin voilà, on comprend pas vraiment ce qui va se passer. Même moi, enfin j'étais au courant de l'événement quand il avait fait amerrir l'avion, mais après j'étais pas au courant de tout ce qui s'était passé au niveau légal, on va dire. Mais c'est un peu expliqué dans la bande annonce très rapidement. Moi Clint Eastwood, j'ai pas vu American Sniper. Son dernier film que j'ai vu c'était J. Edgar et j'en garde un très mauvais souvenir. Ah, t'es pas le seul. Mais voilà, le film me tente un petit peu parce qu'au début je me suis dit encore un film d'Eastwood, il commence vraiment à se faire trop vieux je pense pour filmer, pour réaliser, et finalement je pense que bon il est là un peu pour chapeauter, mais il est pas vrai, enfin je pense qu'il est quand même aidé pas mal, parce que ça a l'air. Enfin, le film est joli. Il et est ça là a l'air pour bien. Chapeauter. Mais oui, il est là pour chapeauter. Mais pour moi, chapeauter, moi j'ai l'image du chat, moi. Non, mais. T'imagines, Eastwood, il a un regard très méchant. T'imagines le regard d'Eastwood façon chapeauter. Ah mon dieu. Vas-y, continue. Voilà, donc moi c'était juste pour dire que le film me tentait pas vraiment. Après la bande-annonce, je suis un peu plus curieux, mais c'est pas non plus comme si c'était le film que j'allais voir absolument. Il sort le 30 novembre en France, donc voilà, c'est pas dans si longtemps que ça. Et donc il y a Tom Hanks, on l'a déjà dit, Aaron Eckhart et Laura Linney. Et c'est quand même le 35e long métrage de Clint Eastwood. Il va en faire autant que Woody Allen, ça se trouve. Non, je pense sais, mais pas. Bon. Enfin, franchement. Mais voilà, donc ça a l'air pas mal. Je pense que. Je sais pas si j'irai le voir au cinéma finalement, mais en tout cas, je le verrai d'une manière ou d'une autre. Oui, comme ça, par curiosité, quoi. Voilà, c'est ça. On continue avec. Moi, tu t'en fous, moi. Mais toi, tu l'as pas vu. Bah non, mais il y a Tom Hanks, donc je vais le voir, c'est tout. Ouais, c'est donc le meilleur acteur le du monde avec Michael Fassbender, donc forcément, je vais voir tous les films avec Tom Hanks. Même quand il ressemble à Pierre Belmar. Même les pourris. Mon dieu. Ouais, vas-y, enchaîne. De toute façon, c'est déjà mort ce podcast. J'ai l'impression. Les gens sont. Attends, il y a un lien en plus avec le. Ah ouais, il y a un lien avec le truc d'après. C'est... Ouais, 20 milieux sous les mers. Bon, Christophe Gans. Faut y aller, là. Christophe Gans qui a réalisé le Pacte des loups et La Belle et la Bête, que je n'ai pas vu. J'ai pas vu. Et l'excellent Silent Hill. Et Silent Hill que j'ai vu. Et qui était une des seules bonnes adaptations de jeux vidéo qui est jamais sortie. Bah, je peux pas trop comparer, j'ai pas joué au jeu, mais même les fans du jeu avaient dit que c'était. Même peut-être un peu trop. Ça respectait l'univers. Ouais, mais peut-être un peu trop, il paraît. C'était. Non, mais de toute façon, enfin. C'est soit t'adaptes. Enfin, il faut adapter, et après. Oui. Personne n'est jamais content à 100%. Bah oui, c'est ça, ce c'est de situation. Pas. Donc, voilà. Même pour les bouquins, même pour, encore plus dur pour les jeux vidéo. Donc voilà, donc Christophe Gans qui va réaliser une nouvelle version de 20 milieux sous les mers. Donc avec. Parce que en fait, on avait entendu parler déjà d'une version de 20 milieux sous les mers par Bryan Singer et c'est toujours en cours, hein, c'est pas abandonné. Donc, et Fincher le truc, aussi c'est devait le faire. Hein. Ouais, il me aussi. Semble. Ouais, ouais. Oui, oui, aussi. Donc déjà le projet sur lequel Gans travaille, donc c'est le fruit d'une coproduction entre la France et la Chine. Il y aura deux comédiens chinois qui seront dans les rôles principaux. Donc, je connais pas 20 milieux sous les mers. Je n'ai pas lu le bouquin. J'ai pas vu le film de Richard Fletcher. Voilà. Mais ça a l'air. Enfin, moi, c'est un univers qui me passionne et il ne serait que trop tardé que je les vois. Mais voilà. Donc le truc me tente un peu. Même si le problème que j'ai avec ça, c'est que Christophe Gans va s'attaquer à une version de 20 milieux sous les mers. Bryan Singer va s'attaquer à une autre. Et James Mangold, donc le réalisateur du dernier Wolverine. Il est en train de plonger sur un long métrage qui est centré sur le personnage de Captain Nemo. Donc, trois films dans une période pas si séparée que ça sur l'univers de 20 milieux sous les mers, ça me paraît juste. Ça me paraît vraiment très bizarre. C'est ce genre de situation où je sais pas qui c'est qui fait les plans. Je sais pas pourquoi il s'attarde sur ce genre de truc parce que on voit à chaque fois le quand des films similaires, vraiment similaires, se sortent en même temps, on se souvient que d'un seul, ou alors les deux ne fonctionnent pas, ou un seul fonctionne, enfin voilà. Il y a des trucs comme ça, Le Livre de la Jungle, ou des trucs... Bon, Le Livre de la Jungle, l'autre n'est pas encore sorti, mais... Il est encore repoussé, d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, qui avait l'air beaucoup plus intéressant, Andy Serkis. Après, je pense que c'est une question de réalisateur... Bon, après, c'est vrai qu'entre Christophe Gans et Bryan Singer, je pense que spontanément, je vais aller vers Christophe Gans, parce que... Visuellement, il a sa patte, mais qu'est-ce que je m'en fous de 20 milieux sous les mers, mais carrément. Oh, mais je m'en tape, je sais même, enfin, je connais, hein, je connais à peu près, mais j'ai pas envie de voir ça. Surtout que ça aussi, fait des années que ça traîne. Moi, je me souviens, Fincher, ça fait, on avait dit qu'il allait le faire. Enfin, ils ont l'air d'y tenir hein, à réadapter ce truc-là. Mais alors, franchement. Je comprends pas, écoute, hein, c'est comme ça. Donc voilà, vous êtes prévenus si ça vous intéresse. Moi, ça me tente un peu, mais je pense que je lirai d'abord le roman avant de regarder un de ces films. De toute façon, j'ai le temps de le lire, je pense. C'est Jules Verne, c'est ça ? Ah oui, c'est un film de Jules Verne. Donc, un roman un roman de Jules Verne, pardon. Mais voilà. C'est un peu peut-être le côté chauvin. Ah, il faut qu'un Français réalise 20 milieux sous les mers. Non, pas du tout, parce que Christophe Gans, moi, j'ai pas vu le papier. Mais c'est pas moi qui dis ça, tu vois. Tu vois, peut-être qu'ils se sont pensés, ah, mais c'est que les Américains qui adaptent des films de Jules Verne. Maintenant, on va faire avec un... Enfin, tu vois, parce que souvenez-vous du bon qui est très sympa, parce que c'est un plaisir coupable, mais bon, objectivement, c'est de la merde. Tour du monde autour. Avec Jackie Chan et Cécile de France et comment il s'appelle l'autre, là. J'ai plus son nom, bref. Et il y avait même Arnold Schwarzenegger. C'était sympa comme tout pour le gamin que j'étais. J'avais oublié qu'il y avait Arnold. Oui, c'était une version kung-fu, on va dire. Mais c'était super. Hein. Moi, j'adorais. J'adore. Et j'avais 11 ans quand je l'ai vu. J'étais loin au cinéma, je me souviens. Donc, forcément, je pense que si je le revois aujourd'hui, mon avis risque de changer. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus faire tout et n'importe quoi avec Jules Verne. déjà. Bah oui. Ça a rien à voir, mais nos auteurs français, quand ils sont adaptés, par exemple Alexandre Dumas, ça donne Les Trois Mousquetaires de Paul W.S. Anderson, qui est aussi un bon nanar, très savoureux, mais qui, sur le plan d'adaptation, laisse quand même sacrément à désirer. D'ailleurs, on fait un petit coucou à Eddie sur cette pensée des Trois Mousquetaires. Ouais, mais j'aime autant le film que lui, hein, vraiment. Oh non, je supporte pas ce truc. Hein, ça. Donc, on est à la troisième news. On passe. Il se passe tellement de trucs, on va pas tout vous expliquer. Ah, ouais, non, mais sinon, c'était ça prend des ce heures. Soir. C'est horrible. En ce moment, je sens que cet épisode va être un des pires à enregistrer. C'est pas par ta présence, Morgane, oui. C'est juste ce qui se passe entre tout ce qu'on fait. Donc, voilà. Donc. On parlait le mois dernier de Sam Mendes qui avait dit qu'il arrêtait James Bond, voilà. Et on a appris récemment que Nicolas Winding Refn, donc qui a sorti The Neon Demon récemment, Bronson, ouais, voilà, etc. Donc aurait été approché par le studio pour faire un James Bond, pour faire Spectre en fait. Il aurait dû diriger Spectre. Donc voilà, mais il a dit qu'il voulait pas parce que il préférait rester indépendant, ce qui est tout à fait à son honneur, on va dire. Il a dit que c'est que ce qu'il veut faire au niveau de cinématographique, c'est plus important que tout l'argent qu'on peut lui donner. Donc voilà. J'adore ce genre de personnes qui sont très humbles, ouais. Mais en même temps, oui. C'est quand même très honnête de sa part, parce qu'il pourrait. Ouais. Eh ben, tu sais, je vais te dire un truc. Moi, je suis quand même. Je trouve que même si c'est un peu, c'est pas très humble, mais en même temps, c'est très honnête parce que j'ai vraiment cru que vu le succès de Drive, parce que ses précédents films, c'était quand même très indépendant, des films d'auteur. Drive a quand même eu un sacré buzz à Hollywood, ça a quand même fait exploser la carrière de Ryan Gosling quand même. Je me suis dit, Hollywood l'a tellement aimé avec ce film qu'il va forcément, comme tout le monde, aller vers des projets plus mainstream, plus dans le confort. Et quand même, quand il a sorti Only God Forgive, même si j'aime pas le film, je me suis dit, bah, il fait pas du consensuel comme on aurait pu s'y attendre venant d'un réalisateur qui soudainement a eu tous les projecteurs sur lui. Et même Neon Demon a confirmé un peu ça. Donc je trouve ça très honnête de sa part de préférer l'artistique au fric. Voilà. Du coup, c'est bien. Non, mais c'est bien. Il y a très peu de personnes qui sont aussi honnêtes que lui. Ouais, très honnête. C'est pas comme je dis, c'est pas le moins prétentieux du monde. Oui, non. Il s'aime beaucoup. Il est quand même prétentieux. Hein, ça reste quand même quelqu'un de très honnête dans sa démarche. Et ça reste un auteur, quoi qu'on en pense. Et c'est bien de voir des mecs comme ça qui préfèrent justement faire des films qu'ils veulent plutôt que des films, plutôt qu'on les contrôle. Parce que lui, c'est quand même un gars qui. Voilà, il est très mental, donc il aime penser, il aime réfléchir. Et je pense qu'il serait pas épanoui à Hollywood. Il le sait, il connaît les pièges, il connaît les risques. Parce que en plus, quand tu regardes bien, même par exemple, quand tu vois même que Sam Raimi s'est fait bouffer par Hollywood, enfin, tu dis que n'importe qui peut se faire bouffer. Lui, je pense que voilà, il a tellement envie de. Il veut que son nom, il veut que le film soit fait par Nicolas Winding Refn en personne et pas par les studios. Et ça, je trouve super honnête. Ouais, mais c'est bien. Et puis, ça, c'est une mentalité assez, tu vois, étrangère à Hollywood. C'est justement pour ça, je pense que... c'est pas pour dire que les Américains se seraient jetés sur le fric, hein, c'est pas du tout mon avis. Mais il y a peu de réalisateurs, je pense, qui auraient dit non à un James Bond. Donc, je sais pas si ça t'aurait intéressé de voir James Bond par ce réalisateur. Non, en plus non. J'aime pas Drive, j'adore Neon Demon, c'est un des plus grands films de l'année, mais je vois pas James Bond par Winning Refn. Voilà, donc on va passer ensuite à Pixar qui a dit, le président du studio, donc Jim Morris, qui a annoncé que tout ce qui viendra après Toy Story 4 et Les Indestructibles 2, ce seront des créations originales du studio, puisque on va rappeler quand même le programme du studio, qui est quand même Cars 3 en 2017, en août 2017. Après, un nouveau projet, donc Coco, qui n'a rien à voir avec le film de Gad Elmaleh, mais qui est par rapport à la fête des morts au Mexique, donc ça c'est un... Et après Toy Story 4 en 2018 et Indestructible 2 en 2019. Moi, dans tous ces projets, le truc qui m'intéresse le plus, c'est Coco. C'est le truc... en plus, la fête des morts au Mexique, il y avait déjà eu Maintenant, j'oublie le nom du film que j'avais beaucoup aimé, le film d'animation qui était produit par Guillermo del Toro. Le livre de la vie ou un truc. Non, oui. Book of Love. Book of Life. Aux États-Unis, c'était Book of Life. Voilà, je sais plus le nom en français. Voilà, donc ça me tente vraiment. Et les autres, me tentent pas du tout. Enfin, je les verrai, c'est sûr. Donc, qu'ils puissent dire ça, c'est en même temps intéressant et en même temps. C'est inquiétant. C'est inquiétant parce que, et très étonnant parce que le monde de Dory, rappelons-le, il explose quand même pas mal de records, mais dans les retours critiques, et c'est à juste titre d'ailleurs, c'est vrai qu'il fait pas l'unanimité non plus. Ouais. Maintenant, je pense que cette décision, ils la prennent un peu tard parce qu'ils vont quand même sortir Toy Story 4, et ça, c'est une connerie. En soi, déjà, ils font une connerie parce que, en plus, d'après ce que j'avais cru comprendre au début, Toy Story 4 était là, limite, pour relancer un peu le truc. Une trilogie. Donc là ils vont s'arrêter au 4, donc c'est quoi l'intérêt? Je commence à prendre peur. Les Indestructibles 2, par contre, j'ai envie de le voir. Parce que Brad Bird, parce que voilà cette famille, enfin je vois. Ouais, mais j'aurais bien aimé voir Brad Bird sur un nouveau projet, tu vois. Bah malheureusement. Genre Tomorrowland. Malheureusement, à chaque fois qu'il va dans des projets comme ça, les films ils sont pas vus, donc et pas aimés. Pas aimé comme il devrait l'être. Ok, c'est bien de faire d'arrêter les suites, mais en même temps c'est vrai que ça m'inquiète un peu parce que vu le succès de Dory, il pourrait encore une fois aller dans le confort, mais en même temps j'ai l'impression que peut-être, je sais pas, peut-être que Dory sont pas tellement fiers des retours, et qu'ils se disent que finalement les suites et nous c'est pas après, ils peuvent faire des suites magnifiques. Toy Story 2 est meilleur que le premier. Je sais pas. J'ai tellement d'affect pour le premier. J'aime tous, mais le 3 est magnifique aussi. Mais en même temps, on va dire, il a dit que leur business model repose sur leurs réalisateurs, ce qui est vrai, mais qu'ils feront pas de suite, sauf si le réalisateur du film d'origine a une idée qu'il aime et qu'il a envie de travailler dessus. Pourquoi pas ? Ouais, mais d'accord, mais je comprends pas, parce que ça veut quand même dire le contraire de ce qu'il vient de dire, qu'il veut faire que des créations originales, mais en même temps, qu'il veut que les réalisateurs qui ont déjà fait leur preuve sur un film ne veulent pas, ne peuvent pas, ou alors s'ils veulent pas retenter une nouvelle franchise, enfin pas une nouvelle franchise, un nouveau film plutôt. On voit tellement de franchises en ce moment, j'ai le mot franchise dans le gravé, c'est pas bien ça. Pour le cinéma, c'est pas génial. Donc voilà. Mais je suis content de savoir qu'ils vont peut-être arrêter les suites, mais après... Ouais, mais ils le font peut-être un peu tard. Voilà, il va falloir quand même se coltiner Cars 3... Et Toy Story 4, n'a pas d'intérêt. J'ai peur. Indestructible 2, peut-être un peu plus d'intérêt, mais c'est pas non plus un truc que j'attends avec beaucoup d'impatience. Moi, parce que c'est Brad Bird. Parce que dans l'animation, il y a toujours un travail en matière de mise en scène. Brad Bird, moi je l'adore. C'est quelqu'un, c'est un réalisateur que j'adore particulièrement. Mais voilà, bon. C'est bien, mais en même temps, c'est peut-être arrivé un petit peu trop tard. En parlant de Nemo et de Dory... et de suite on reste dans le sujet, mais c'est très bien. En plus, c'est vraiment par hasard que je fais les connexions, et parfois ça tombe super bien. Donc Franck Dubosc qui a... Oui, on parle de Franck Dubosc dans Parlons Cinéma. Mais qui, porté par le succès de Camping 3 et qui a quand même fait 1,5 million d'entrées en une semaine, donc c'est pas rien, il a dit au micro d'RTL justement. tu me disais France Inter. Ouais, c'est la même. Mais, c'est quasiment la même chose. qu'il évoque la possibilité d'une suite, donc qu'il a déjà téléphoné à Fabien Ontoniente. Il n'est pas asiatique. Je pense qu'il est italien vu la consonance de son prénom, ou espagnol, je sais pas. Mais qu'il lui a déjà téléphoné, qu'il a dit qu'il était en vacances et qu'il a pris un stylo, une feuille et qu'il commence le 4. Voilà. Et qu'il a dit que si le public en a envie, qu'il remettra le maillot avec plaisir. Enfin voilà. De toute façon, on en parlera plus dans le podcast bilan de, la, de l'été, mais t'avais pas super été convaincu, sans donner vraiment ton avis sur le 3, mais t'as pas été super convaincu par le 3, c'était un peu... Ah bon? Bah non, je crois pas, non. T'avais pas dit que c'était un 3, enfin un 2,5 sur... C'est pas non plus... Non, j'ai mis 3, je trouvais ça t'as bien. T'as mis 3? Ouais. Bon, c'est une suite qui a ses défauts, qui sont assez nombreux d'ailleurs, j'en parlerai plus en détail, mais il y a toujours le plaisir de retrouver Franck Dubosc, qui est un acteur que je trouve très attachant, parce que le personnage qu'il a construit sur les trois films, alors autant je déteste le 2, mais le premier je le trouve excellent, le 3 franchement m'a bien diverti, j'ai bien rigolé, et d'ailleurs je trouvais que justement le 3 était écrit par Franck Dubosc et ça se sentait dans les dialogues, il y a vraiment des... Après faut aimer, hein. Si on n'aime pas Dubosc on va pas voir Camping, c'est clair. Ouais, bah oui c'est sûr. Donc, mais après j'ai aucun... Moi ça me pose aucun problème de retrouver une fois par an Patrick Chirac au début de l'été, parce que comme je pars en vacances j'ai l'impression de partir au camping aussi. Voilà, c'est pas bon, oui, encore une fois, le cinéma français, machin, on a compris. Bon, mais moi, honnêtement, ça me pose pas de problème. Je vais voir les films gentiment. Voilà, je vois leurs limites. Camping 3 a ses gros défauts, j'en parlerai. Mais au final, j'étais content devant le film, quoi. Donc, j'irai voir le 4, le 5, d'accord, le 6 en 3D, si veut. Le 7 en IMAX, le 8 en noir et blanc, le 9 reboot. En autorama. Le Camping Fury Road, le. Tout ce qu'il veut. Camping Fury Road, comment mélanger deux peuples de. George Simon Miller, Fabio Antoniente, c'est à peu près du même niveau, hein. C'est quand même. Bah ouais, non mais. Enfin voilà. Oui, bah écoute. Mouvement de caméra, la réflexion des plans, enfin voilà. Bah, c'est forcément, la scène des nudistes dans le Camping 3, quand même, je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est quand même quelque chose d'assez. Il y a une espèce d'immersion au cœur même du corps. Et t'imagines en 3D, enfin, voilà quoi. Ouais, c'était ça qui me manquait, quoi, la 3D. Peut-être qu'en 3D, ça m'aurait davantage plu, mais... Non, mais franchement, bon, c'est... Voilà, ça va, ça te dérange pas de voir un 4... Non, pas du tout, au contraire, je vais y aller, ouais, ça va être... D'accord, voilà. Okay. Voilà, moi, j'ai vu le 1, c'était pas le pire, enfin c'est pas le truc le pire que j'ai vu, je suis pas super fan de Franck Dubosc en même temps, mais voilà, j'ai rigolé. Il y a vraiment pire, hein, dans les comédies françaises, voilà. Y a pire, non, y a non, pire. Non, franchement, il y a vraiment pire. Mais après, j'ai pas vu le 2 ni le 3, donc je m'abstiens pour dire ce que je pense de faire le 4, puisque j'ai pas vu les suites. Voilà. Donc, en parlant de suite, on va parler de Saw 8. Non, mais... C'était tellement nul. En fait, le problème, c'est que c'est venu, mais je m'en suis pas rendu compte. Voilà. Mais... La suite. Voilà. Donc, qui a une date de sortie, qui a deux réalisateurs, date de sortie 27 octobre 2017. Le dernier film, c'était Saw 3D, un truc comme ça. Saw 3D, novembre, chapitre final. Voilà. Oh non, pas 2013. Chapitre final. Non, 2010. Ah, ah oui. Ah non, ouais, 2010, ok, ouais, d'accord. Oui, non, oui, non, oui. Pardon. Ah oui, quand même. Ok. Mais voilà. Mais d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que oui, c'était écrit Saw 3D. Alors, je pense qu'ils n'ont pas voulu l'appeler Saw 7 en France. Bah non. Bah en même temps. Déjà parce qu'avec Saw 6, ils avaient un peu galéré. Donc, je pense c'était purement. Enfin voilà, c'était pour pas qu'on fasse de jeu de mots. Purement marketing. Voilà, mais c'est surtout que c'était écrit chapitre final. Voilà. Donc, mais... pourquoi ? On nous ment depuis le début. En soi, Saw, honnêtement, quand on regarde Saw, le premier était. C'est un chef-d'œuvre. Le 2, c'est pas. Le 2, moyen. Le 3, ça, c'est pas bien. Le 4, pas bien du tout. Le 5, pourri. Le 6, méga pourri. Le 7, une arnaque. Donc, du coup, voilà, en soi, Saw, ils ont déjà s'arrêté. Ah oui, parce que le premier, honnêtement, revoyez le premier, même voyez le premier, parce que beaucoup pensent que Saw, et malheureusement c'est le cas avec les suites, beaucoup pensent que c'est une franchise qui s'est enfermée dans une espèce de. C'est marrant de parce que c'est ça pour quasiment tous les films d'horreur, en fait, les vieux films d'horreur plutôt. Genre les Freddy, tout le monde pense que c'est super kitsch, alors que le premier est kitsch un peu, mais tu vois, il y a quand même. À chaque fois, les premiers. Des franchises comme ça, ils sont très très bons. Genre Massacre à la tronçonneuse, des trucs comme ça, c'est des excellents films. Halloween de Carpenter. Ce film, c'est un chef-d'œuvre. Les suites d'Halloween. Ce film, c'est un chef-d'œuvre. Les suites d'Halloween, voilà. C'est quand même une honte. Et les suites. C'est une honte. Voilà. Donc, à part 20 ans après, le truc là, qui était fait dans les débuts des années 2000, qui était pas mal parce que. J'ai des vieux souvenirs de ce truc, c'est. La fin quand même, c'était vraiment le point final, enfin ouais. le dénouement. Bah bon, je m'en fous, je spoil. Ouais, on voit vraiment, on voit Laurie Strode, donc la victime de son frère qui lui le décapite. Là, ça y est, la boucle est bouclée, la fin, et ils le font quand même revenir dans celui d'après. Bah oui. Donc ils ont trouvé une parade scénaristique complètement bidon que je vous laisserai découvrir. Ouais. Mais ça c'est vrai, même Vendredi 13. Mais Vendredi 13, le premier. J'ai quand même. Voilà, Vendredi 13, c'est un peu la saga un peu bâtarde, j'ai envie de dire. Parce que le premier n'est pas génial. Hein. Le premier n'est pas mais si. J'en aime aucun, mais c'est le moins. Après, j'ai pas vu les 3-4 après. J'ai vu le 2, voilà. T'as on pas voit vu Jason enfin X. Jason, quoi. Mais j'ai pas vu Jason X, et celui-là, j'ai envie de le voir parce qu'apparemment. Ah, Jason X, c'est dans l'espace. Ouais, c'est non, mais ça a l'air tellement génial parce que ça a l'air tellement nanardesque. Ah ouais. Mais voilà. Donc, pour repartir sur Saw. Oui, sur Saw. Bah, je vais continuer. Beaucoup pensent que c'est justement une franchise qui est très gratuite. C'est du torture porn, sale, etc. Le premier, c'est pas du tout ça. C'est un huis clos. Même si on sort de temps en temps, une enquête hyper bien foutue avec un twist de fin juste renversant. Ouais. Et après, c'est là qu'ils ont dérivé. Bon, c'était quand même un peu sanglant, mais c'était pas plus sanglant qu'un Seven, par exemple. Ouais. On était vraiment, enfin voilà, c'est James Wan en même temps. Mais c'est vrai que les suites de Saw, c'est complètement. Et en plus, quand on regarde le nom du réalisateur qui a fait, je crois, le 5, le 6, il s'appelle Darren Lynn Bousman. Donc déjà, c'était prédestiné pour les francophones, pour les francophones, quoi. Je pense qu'il le savait. Ouais. Donc le 7 ça devait et d'ailleurs c'est marqué fait, hein, on peut pas plus se faire arnaquer que ça hein, j'ai envie de dire. C'est par rapport au 7 honnêtement le 7 tout le monde ceux qui avaient survécu au dernier saut dont je faisais partie attendaient la révélation de fin parce que saut de toute façon ça a toujours marché sur des twists ouais. Hein. Ça a toujours à chaque fin de saut il y a toujours un twist celui du 2 est pas mal mais celui du 1 c'est enfin même dans l'histoire du cinéma, c'est un des plus marquants. Mmh. C'est un des derniers gros twists, parce que personne n'a vu venir. Mmh. Mais je défie quiconque de me dire, oui, je me doutais que la fin. Non, mais impossible. Vraiment impossible. Ou alors, la personne est un excellent menteur. Ou alors, c'est le scénariste. Oui, voilà. Aussi. Mais et le 7 devait nous apporter une réponse absolument dingue, sauf que la réponse, on l'avait, enfin le fin mot de l'histoire, on l'avait deviné depuis quand même 3-4 épisodes. Donc du coup, le 7 était quand même parce que c'est des films qui se suivent, parce que moi j'ai pas du tout suivi en fait. Ah oui, ça suit. D'accord, hein, ok. Ça se suit, mais en même temps c'est parce que moi je pensais que c'était genre alors des destinations finales. Je sais pas si ça suit non. Aussi, tu vois, c'est genre des suites de. Les deux premiers, oui, ouais, se suivent. D'accord. Non, les sauts, non, sauts, il y a une vraie continuité. Okay. Alors justement, ça, mais comme dans des séries, le problème c'est que ça s'étale, ça s'étale, et au bout d'un moment, ça se suit. En même temps, c'est parallèle. En même temps, c'est bordélique. Ah, hein, ouais, c'est hyper bordélique. Et au bout d'un moment, on en a marre. Ce n'est que ça, quoi. Et puis bon, alors techniquement, c'est pas moche. Hein. Ouais. Ceux qui sont fascinés par le gore, l'esthétique, ils vont être servis. Maintenant, le scénario du premier était tellement génial, puis il était pas si compliqué, c'était quand même très simple, ça reposait sur un twist aussi, mais au final, c'était très limpide. Ouais. Mais à partir du 4, honnêtement, faut les personnages qui se connaissent, puis en fait non, puis en fait il a un lien avec lui, lui on l'a vu dans le 3, puis on le revoit dans le 5. Il y a des mecs qui font des études sur Saw, quoi. Ah mais je peux comprendre hein. Écoutez, chacun fait ce qu'il veut hein. Mais pourquoi faire un saut vide quoi. Parce ouais. Que franchement déjà c'était un chapitre final donc même si la fin était juste bidon et prévisible je me demande qu'est-ce qu'ils vont raconter quoi. Ils vont trouver le prétexte pour oui en soi il y a peut-être éventuellement un truc à faire en plus mais je pense que c'était en 2010 ça fait 6 ans quoi donc ça va sortir je pense 2017 ouais. Un truc comme ça. Oui, c'est 27 octobre 2017. Est-ce que les gens s'en foutent pas un peu ? Moi, je sais pas. Écoute, oui, voilà. Il y aura toujours du public pour ça, hein, même pour se moquer en fait. Oui. Mais on a appris le nom des réalisateurs, donc Michael et Peter Spierig, qui ont réalisé des films de science-fiction Daybreakers et Prédestination que je n'ai pas vu, donc je m'abstiendrai de juger. Et ce sera scénarisé par Josh Stolberg et Pete Goldfinger, qui ont scénarisé Sœur de Sang et Piranha 3D. Donc voilà, du gros scénario en perspective. Bah, Piranha 3D, c'était fun. Ouais, mais tu vois, il n'y avait pas du scénario. Enfin, il n'y avait pas vraiment de scénario. Quoi. C'est, non, c'est sûr. C'est fun mais, au niveau visuel, mais après... Il n'y a pas... Oui, y a pas... tout à fait. Ouais, voilà. Je pense qu'on a assez parlé de Saw, parce que c'était juste pour dire que ça revenait et que... Ben voilà, je pense que ceux qui sont fans sont peut-être contents, peut-être pas contents, je sais pas. Voilà. On passe ensuite à un film d'animation, un petit film d'animation. Donc là, je vais parler rapidement puisque Morgan ne connaît pas du tout, enfin n'a pas vu la bande-annonce, n'a pas vu les images, donc je vais aller très vite. Donc c'est Kubo, un film par les créateurs, enfin par le studio qui a créé Coraline, que je n'ai pas vu, mais qui, enfin à chaque personne à qui j'ai parlé me disait que c'était très très bien. Qui ont aussi créé Box Trolls, que je n'ai pas vu non plus, mais donc je suis tombé sur cette bande-annonce un peu par hasard et le film sort le 21 septembre, ça s'appelle Kubo et l'armure magique. C'est un film en stop motion qui ressemble à de la... Enfin, moi, quand on m'a dit que c'est... Enfin, quand j'ai lu que c'était de la stop motion, pardon, j'étais assez halluciné parce que quand j'ai vu la annonce, j'ai cru que c'était vraiment fait par ordinateur. Mais en fait, c'est de la stop motion. Et c'est juste dingue. Donc c'est l'univers, elle est vraiment cool, les personnages sont sympas, ça a l'air un peu enfantin, mais c'est pour les fans d'animation et surtout pour ceux qui adorent la stop motion, je pense que c'est un film vraiment à surveiller. Et en plus, ça sort dans pas si longtemps, donc 21 septembre en France. Donc, et puis l'univers qui est un peu... ça fait partie... Il y a un peu de magie, il y a un peu de... ça fait un peu penser aux légendes chinoises plus japonaises. Enfin, ça se passe au Japon, je crois. Mais il y a un mélange de légendes chinoises et japonaises. Donc voilà, l'univers me plaît, la réalisation aussi. Donc moi, je vous conseille de voir la bande-annonce en tout cas, parce que ça m'a bien plu. Voilà. De toute façon, je pense pas que tu aies quelque chose à rajouter. On va pouvoir passer à autre chose. On va pouvoir passer à un truc où on va passer aussi très vite, parce qu'on s'en fiche un peu, mais c'était juste pour faire un peu le troll, parce que j'avais envie de troller les gens. Donc John McTiernan, qui a récemment fait une interview dans Première, un magazine de qualité, qui a dit qu'il n'aimait pas Captain America, ni Mad Max 4. Donc il a dit que Captain America, c'était le culte de l'hypermasculinité américaine, ce qui n'est pas... si con que ça, enfin c'est pas la pire chose. Donne son avis. Oui, non, mais voilà, ce que j'allais dire, c'est... Bah, après, on n'est pas forcé d'être d'accord. Non, mais moi je m'en fiche, en fait. C'est j'aime beaucoup John McTiernan, j'aime beaucoup ce qu'il a fait dans Predator, Piège de cristal. Enfin bon, après j'ai pas vu les autres films. Et malheureusement, je savais même pas qu'il avait été... Enfin, je sais qu'il était en prison pour un truc... c'est très compliqué. C'est une histoire d'écoute. Voilà, enfin voilà, c'est pas... il a pas fait de meurtre, hein, rassurez-vous, c'est pas un meurtrier. Mais voilà, donc... John McTiernan qui va tourner un film d'ailleurs en France prochainement, normalement un film en France sur... C'est courant ça pour un réalisateur des années 80-90 de venir, et on a eu Paul Verhoeven avec Elle comme quoi la France est un pays qui cinématographiquement qui parlant attire, donne de l'ambition à des gens. Bah oui, et en fait je pense que c'est des gens qui en ont marre du système américain, du système des studios et tout ça, qui veulent faire leur truc un peu plus auteur et qui se donnent un peu les moyens, qui veulent aller en France ou dans le pays d'Europe. D'ailleurs, il a dit qu'il veut peut-être tourner en France ou, je sais plus, en Serbie ou un truc comme ça. Enfin, voilà, c'est pas encore super décidé. Donc, il a dit que Mad Max Fury Road, c'était un truc de studio calibré pour le public, etc. Donc, en fait, il a un peu fâché tout le monde et moi, je pense qu'il a juste donné son avis et faut respecter son avis, quoi. Il a pas non plus... Enfin voilà, il s'est pas emporté, il a pas commencé à dire des trucs horribles, hein, c'est juste, il a pas aimé ses films, il a le droit, hein, complètement. Donc voilà, je pense que s'emporter sur ce genre de trucs, je comprends, enfin, voilà, il donne son avis, il a le droit, laissons-le parler. Bah, il donne son avis, voilà, c'est ça que... Moi, je suis toujours étonné que... alors, je suis pas d'accord avec lui, même si je l'ai souvent dit que Mad Max Fury Road, c'est pas mon film préféré. Oui. Et je suis absolument pas d'accord quand il dit que c'est un produit industriel, mais pourquoi pas, il a le droit de le penser. Ah oui. Maintenant, je suis très surpris des réactions quand ce genre de personnage, enfin de personne plutôt, parce que donne son avis. Les gens qui adorent Mad Max vénèrent souvent John McTiernan comme le père de tout ce qui est, enfin, voilà, de l'actionneur bien calibré, bien filmé, bien scénarisé. Et là, il lance quelque chose sur un film qui est normalement dans son univers. Voilà, et qui n'aime pas, et qu'il a complètement le droit de pas aimer, voilà. Mais c'est surtout que c'est les personnes qui réagissent, parce qu'il y a quand même un phénomène assez inquiétant, je trouve. Ouais. À l'heure où beaucoup de personnes qui sont cinéphiles, qui prétendent aimer les débats, qui adorent avoir des avis divergents et en parler, dès qu'un réalisateur connu, que ce soit McTiernan pour Mad Max, ou même que ce soit James Cameron pour Star Wars 7, ouais, clairement, ne accepte pas du tout qu'un réalisateur n'aime pas un film qu'ils aiment. Non, je trouve que chez les réalisateurs, quand c'est, d'ailleurs, c'est un peu aussi à la tête du client, quand c'est Tarantino qui troll sur un film, on l'applaudit. Bah oui. Et Dieu sait que je suis fan de Tarantino, parce que Tarantino, il le fait avec le sourire. Bah oui. Mais Tarantino il a une légitimité sur le cinéma, comme James Cameron, comme McTiernan. Après, on peut très bien ne pas être d'accord, il n'y a aucun problème. Bah oui. Mais de là à dire, ah ouais, mais McTiernan, en même temps, ça fait combien d'années qu'il n'a pas fait de film? Ah ouais, mais machin, ah, mais Cameron. Et tu vois, ils leur sortent genre Rollerball ou des trucs comme ça, ou des films qu'il a. Oui, bah, c'est qui vrai. Sont complètement, enfin, qu'il a complètement renié parce que c'était des trucs qu'il a même pas pu finir. Enfin voilà quoi, le montage final n'a pas du tout, ne ressemble pas du tout au film qu'il avait pensé dans sa tête. Enfin, ah mais voilà. Le coup de James Cameron sur Star Wars 7, je me suis dit, je vais ouvrir la page des commentaires. Je pense que dans les 5 secondes qui vont suivre, je vais trouver un. En même temps, le mec, il a plagié Pocahontas pendant Avatar. Alors, franchement, en termes de. Voilà, donc déjà, ça, c'est vraiment ce genre d'avis très consensuel. C'est des attaques pour moi purement gratuites. Et en plus, on contrebalance même pas les arguments de la personne, on juge carrément la personne. Comme si, enfin voilà, si, alors franchement, si John McTiernan, qui a fait Last Action Hero, qui a fait Predator, qui a fait, enfin voilà, ne peut pas donner son avis, moi je me tais, hein. Bah oui. Je ne dis plus rien, hein, parce que franchement, si même James Cameron, qui quand même est un monstre du cinéma, Terminator, de Titanic, tout ça, si lui ne peut même pas dire Star Wars 7, je suis pas méga fan, du coup, je ferme ma gueule. Je ne fais plus de podcast du tout. On arrête tout. Franchement, on arrête la machine. On dit voilà, on dit stop the presses et puis voilà. Et je ne suis pas d'accord avec McTiernan encore une fois. Je suis voilà sur même sur Captain America. Bon, je peux comprendre que ça agace. Enfin, franchement, moi, il y a un côté que je comprends. Hein. Enfin, le truc de culte de l'hypermasculinité américaine, c'est un truc qui m'agace aussi dans les films Marvel, hein, et en même temps on n'y peut rien parce que ils sont américains, ils font des films quasiment pour les Américains, même s'ils pensent un peu plus s'ouvrir au monde, mais ça reste quand même sur leur territoire, ça reste calibré pour un public américain, mais qui finalement tout le public commence à ressembler au public américain, mais voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'était juste pour faire un peu le troll pour ceux qui n'ont pas aimé cette réaction de McTiernan, pour en reparler, voilà. Bah oui, et puis accepter les gens, ils ont leurs avis, et puis chacun ses goûts, on s'en fiche, les goûts et les couleurs. Voilà, on passe à La La Land, nouveau film de Damien Chazelle, donc titre pourri quand même. Oh, faut dire les choses. Ouais. J'aime pas le titre. J'adore la bande-annonce, mais le titre. L'affiche, comme elle est magnifique. Hein. C'est, enfin, oui. Mais tout ce qui sointe de ce film est magnifique. Hein. Voilà. Voilà, La La Land, nouveau film de Damien Chazelle, qui, après 2 ans après la sortie de Whiplash, qui reste dans le monde de la musique, mais qui cette fois s'attaque aux comédies musicales des années 50. Enfin, un esprit plus années 50. Puisque le Whiplash c'était complètement contemporain, même si ça parlait de jazz. C'est vrai. Voilà, donc là, le film, enfin, de ce qu'on a pu voir de la bande-annonce, il y a une bande-annonce qui est sortie, c'est juste splendide. Hein. Enfin, moi, j'étais ébahi par la bande-annonce. Il n'y a pas un seul mot de prononcé, il y a juste des sifflements. et tout ce qu'il fait avec les couleurs, etc. Bon, c'est qu'une bande-annonce. Hein. On va pas commencer à crier au chef-d'œuvre à la vue d'une bande-annonce. Et c'est certainement pas ce que je vais faire. Mais je suis très impatient de voir le film, même si voilà, j'ai des réserves sur Ryan Gosling quant à sa capacité à jouer, parce que pour moi, je l'ai toujours pas vu dans un film qui. Enfin, si je l'ai vu dans des films qui m'ont plu. Mais je l'ai pas vu bien jouer dans ses films, donc et pour moi il est Ah, The Nice Guys, il est très bien dans The Nice Guys. Je l'ai pas vu donc ouais. Voilà, je me disais. Mais il a toujours une mono-expression comme ça, donc voilà. À voir quand on verra le film, mais en tout cas. Autour de ça, le film me plaît beaucoup. Cet hommage aux comédies musicales des années 50, etc. Chantons sous la pluie, il y a même ça fait clairement. Il y a clairement un hommage à Chantons sous la pluie avec le plan où il s'accroche au lampadaire, etc. Enfin voilà. Moi, j'attends le film. Je suis content de le voir se montrer. Donc voilà. Tu as quelque chose à dire par rapport à maintenant, c'était. Oh ben ouais. Je pense que j'ai trouvé mon film de décembre avec Assassin's Creed. Alors je l'attendais pas forcément. Enfin quand on m'a parlé du oui parce que déjà bon Emma Stone c'est pas l'actrice que je préfère. Ryan Gosling encore moins. Ouais. Je trouve d'ailleurs très surestimé. Je ne comprends pas pourquoi Ryan Gosling il est parfait. Non je vois pas. Désolé je comprends pas trop. Même si dans The Nice Guys il était très bien. Mais bon un bon film de temps en temps ça fait pas non plus un bon acteur. Mais passons. Et c'est vrai qu'en voyant la bande-annonce, vraiment pour la voir, j'ai dit bon allez, je vais regarder. J'ai eu une espèce de coup de foudre parce que voilà, c'est justement tu l'as dit, cet hommage, cette ambiance, le côté un peu kitsch, mais c'est très propre aux comédies musicales d'avant que j'adore. Et puis on fait plus ce genre de film, donc c'est bien parfois de se faire rappeler que ce genre de films ont existé et peuvent encore exister peut-être. Et surtout, pardon, je vais bailler. Ouais, vas-y. Oh, excusez-moi. Pardon. Et cette même dans la bande-annonce, je trouve qu'il y a une alchimie entre les deux. Ils se connaissent déjà depuis Crazy Stupid Love, qui est excellent d'ailleurs. Mais il y a une alchimie qui est évidente. Et en plus, donc il me semble qu'ils vont chanter vraiment avec leur voix. Oui, mais pour moi, c'est là où vient l'intelligence de prendre Ryan Gosling. Parce que bon, le seul truc. Et ça va peut-être le décoincer. Et ça peut être pas mal. Ouais, et pour moi, le seul truc que j'apprécie qu'il ait fait, c'est la musique de Conjuring. alors que le film, je suis pas super fan. Mais la musique de Conjuring, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Enfin, c'est un seul morceau dans Conjuring, je crois. Si je me dis pas de bêtises. Peut-être, je te fais confiance. Ah, ok. Mais le morceau de Ryan Gosling, enfin de son groupe plutôt. Est très très bien et je pense que c'est une très bonne idée sur ce point-là de l'avoir pris. Après au niveau du jeu voilà j'attends de voir mais c'est sûr que c'est... Bah, le jeu avec un film comme ça je pense qu'il va pouvoir plus se lâcher être moins mono-expressif parce qu'il va juste ça va être un voilà ça va tendre vers le romantisme vers les sentiments donc je pense qu'il peut largement prétendre à un rôle comme ça et ça va enfin personnellement ça va m'aider à l'apprécier davantage parce que dans Nice Guy je trouvais qu'il avait vraiment cet humour le côté burlesque il avait vraiment une drôlerie que j'avais jamais accordée en fait. D'accord. Donc Crazy Stupid Love c'était plutôt le côté un peu charmeur mais c'était pas lui le plus drôle du film que là dans Nice Guy il m'a vraiment fait rire. Et donc je trouvais qu'il avait un potentiel comique qui m'avait totalement échappé. Et là, peut-être que dans ce film-là, il va aller vers des chemins différents. Voilà, il va pas faire du drive, il va pas faire du. Enfin, parce que bon, c'est gentil, c'est ok, mais j'aimerais bien qu'il fasse autre chose. Damien Chazelle, donc c'est qui n'a rien à voir avec Marianne d'ailleurs. Marianne Chazelle, est bronzée. Voilà, citons les classiques. Et de ce projet-là. Très étonnant d'ailleurs, et déjà que Whiplash qui parlait de la musique, j'ai l'impression que Damien Chazelle arrive quand même à rendre la musique encore plus belle qu'elle l'est au cinéma. Et de voir une comédie musicale comme ça. Alors, avec, je sais pas si ce sera une comédie musicale. Hein. Mais ça a l'air, je suis sûr que c'est une comédie musicale. Hein. Ouais, écoute. Je suis quasiment sûr, ça chante dans la bande-annonce et Et je pense que ça, je pense que je vais être une vraie guimauve devant ce film-là. Ça va être un petit, mais comme Whiplash, ouais. comme Whiplash, j'étais très, ouais, enfin... j'y allais sans, il y avait la surprise dans Whiplash. Whiplash, quand même. On prenait des coups dans la gueule, hein, alors que là, ça a l'air très doux. Hein. C'est... Oui, c'est vrai, mais non, mais je veux dire dans le côté effet de surprise. Ouais. On l'a, du coup, je pense. Alors là, pour le coup, le danger avec ce film que j'attends énormément, c'est, il est dans mon top 3 des dernières attentes de l'année, clairement. C'est que. Whiplash, il a créé la surprise. Ouais. La... Parce qu'il sortait attendre, un peu nulle part. Là, il y aura le côté, c'est le nouveau film du réalisateur de Whiplash. Et là, ça va être compliqué parce que je pense que même si les deux films n'ont rien à voir, on pourra pas s'empêcher de comparer, de se dire le précédent était mieux. Ouais. Si le La La Land est pas bon. Mm. Et c'est ça quand t'es un réalisateur comme Shyamalan, on compare toujours à ses premiers films en fait. Ouais. Jamais The Visit, ah mais c'est moins bon que Sixième Sens, c'est moins bon que Sing, c'est moins bon qu'Incassable. Mm-hmm. C'est un peu le problème de ces réalisateurs qui font des films surprises comme ça, qui sont des voilà des moments de cinéma. J'ai Whiplash, c'est un sacré gros morceau que personne n'a vu venir. La La Land, c'est peut-être le. Là, il a peut-être une. Va falloir qu'il assure parce qu'il a quand même voilà. Ouais, ok. Ben, il sort le 30 novembre en France, donc voilà, ah pas ouais. si longtemps que ça. On passe ensuite à Loving, donc nouveau film de Jeff Nichols. À peine après avoir sorti Midnight Special au début d'année, ben il revient avec Loving, mais qui a été repoussé. Enfin, il était d'abord prévu pour fin 2016, mais il est prévu pour 15 février 2017 maintenant. Donc c'est la première bande-annonce est arrivée. Il était passé au Festival de Cannes. On retrouve Joel Edgerton, Ruth Negga. Et Michael Shannon, qu'on retrouve encore une fois dans un film de Jeff Nichols. Il est partout, hein. Il est partout. Ah, mais c'est son acteur fétiche maintenant. Oh, mais c'est un super acteur. Hein. Bah oui, oui, très bien. Enfin bon, j'ai un peu plus de réserve dans ses apparitions dans DC Comics, mais après, à part ça... Ah oui, oui, en Zod, oh mon dieu. Ouais. Mais à part ça, c'est un très bon acteur. Voilà, donc Loving, oui. Qui... toi, tu n'as pas vu la bande-annonce ? Non. D'accord, bah, je vais en parler. Ce film m'intéresse pas. Ouais, bah, je vais en parler très rapidement. C'est une histoire. Enfin, c'est le genre de film qu'on sent venir à 3 km et que, bah, on sait déjà où ça veut en venir, où ça va en venir. Mais c'est toujours ce genre de truc est toujours intéressant. Donc, c'est un couple interracial qui désire de se marier dans l'Amérique ségrégationniste de 1958. On voit ça dans la bande annonce. Ça a l'air d'être. Très dramatique, très, enfin voilà, le tirer d'une histoire vraie, toujours là pour nous rappeler. Mais c'est, voilà, c'est, on sait déjà ce qu'on va voir. Le film me tente un petit peu. C'est pas non plus un film que je veux voir absolument. Voilà, c'est quelque chose. C'est bien de faire ce genre de film. Je vais pas faire le vieux rabat-joie en disant oh, encore un film. Sur ce sujet, on en a pas déjà vu assez. Je pense qu'on en verra jamais assez puisque ce genre de truc existe toujours malheureusement. Donc voilà, c'est bien de faire ce genre de film. C'est un peu étonnant de voir Jeff Nichols. Le film a l'air beau au niveau de sa réalisation. Après voilà, c'est qu'une bonne annonce. Voilà, je pense pas le voir au cinéma, mais je le verrai pour sûr, comme je dois voir Midnight Special depuis très longtemps. Voilà. Ouais. Tu vois, quand je parle tout seul, ça va plus rapidement. Merci. Non, mais je rigole. Voilà, donc si ça vous intéresse, il y a la bonne annonce, bien sûr, et que de tout ce qu'on parle dans les liens de l'émission sur la page moviesnow.net. Voilà. On passe ensuite à Insaisissable. Donc le 2 sort demain, officiellement. Que j'ai vu. Toi, tu l'as vu en avant-première, le 2. Qui est une merde. Voilà. Mais vraiment, je vais. Attendez, si je l'ai vu en avant-première, je vous donne mon avis en avant-première, c'est vraiment pas bon. C'est pas bon, et pourtant j'aime beaucoup le premier, mais le deuxième c'est la suite de trop, et comme le troisième va arriver aussi, ça va être aussi la suite de trop. Mmh. Non, ça a ni queue ni tête, c'est complètement artificiel de bout en bout, c'est, comme j'avais dit dans ma micro-critique, c'est too much et too moche. Voilà. Mmh. Ok, de toute façon t'en diras plus dans le podcast hors série. Oui. Mais donc on va parler d'Insaisissable, mais cette fois-ci d'un spin-off chinois en préparation. Donc c'est officiel, hein, c'est pas un truc qu'on oh, sort t'as des... ça c'était tout de ma vie. J'en étais sûr. Donc voilà, c'est le film qui Enfin, en attendant l'officialisation d'un épisode 3 qui ne serait tardé, je pense. Donc John M. Chu qui réalise le deuxième et qui va réaliser le troisième, explique, il a expliqué au producteur que comment faire un film qui fasse un carton en Chine, puisque voilà, le public est quand même assez... Et bah, c'est une grosse démographie là-bas, donc c'est sûr que ça intéresse de plus en plus les Hollywood, justement, de voir, enfin de toucher un public un peu plus grandissant. Voilà, un spin-off chinois en préparation pour Insaisissable. Encore une franchise qui se fait sur un film qui... Enfin, moi, j'ai pas vu le premier, j'ai pas vu le deuxième non plus. Mais... Non, vois le premier, c'est sympa. Oui, non, mais le premier me tentait, donc je le verrai sûrement un jour. Je me rends compte que depuis le début, je dis « j'ai pas vu ce film ». Mais voilà. Si, je regarde des films, mais je regarde des petits... Enfin, je regarde pas des gros films en ce moment, donc... Mais voilà, donc un spin-off chinois qu'on retrouvera Jay Chou, donc le mec qui était dans Green Hornet. Et qui est dans le 2, mais qui ne sert à rien. Ouais, d'accord. Mm. Ben voilà. Donc, on sait pas encore qui c'est qui va le réaliser. Il y a une partie qui se passe dans Insaisissable 2 qui se passe à Macao, apparemment. Donc, voilà. Macao? Oui, en Chine. Ouais. Oui, en effet, oui. Oui. Donc, voilà. À moins que tu t'es endormi pendant cette partie. Mais voilà. Non. En fait, ça bug un peu là quand ouais, tu me parles. Ouais, pas de soucis. Voilà. Donc voilà, comme t'as pas aimé le 2, je pense que tu t'en fiches d'un spin-off chinois et encore plus d'un 3. Ah bah oui, oui. C'est vrai que je suis tombé des nues quand j'ai lu le planning de l'émission. Je fais, hein? Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut qu'on en parle quand même parce que ça. T'as pas possible. C'est quand t'as même fou. Hein. T'es trop fou, t'es pas possible. Ça fait pas des tours de ma vie, c'est pas vrai, cadabra. Oh, pardon. Je suis désolé pour nos amis chinois qui nous écoutent. Je vous aime. Mais vraiment, j'adore les nems. Donc voilà. Franchement, je vous aime. Ouais, j'adore les katanas et les sushis. Ouais, j'adore. Ah non, les sushis, c'est japonais. Je sais. Ouh, pas bien. Non, mais justement, c'est pour ça. Attends, tu me crois si inculte que ça? Non, mais attends. Bon, voilà. on va passer à autre chose parce qu'on va passer à une autre franchise qui a l'air, enfin voilà, moi j'ai pas vu non plus, je m'en fiche. Oh, quelle horreur. Divergente 4 qui sera pas au cinéma, et j'ai envie de dire tant mieux. Ouais, mais c'est fou hein, c'est énorme quand même. Donc le quatrième et dernier volet de la saga sera un téléfilm, et apparemment même Shailene Woodley l'a appris en même temps que tout le monde. La pauvre. Non mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont pas sous contrat à la base, parce que en plus c'est même pas Divergente 4, c'est Divergente 3 partie 2. Ouais. Donc c'est encore plus oui, bizarre, c'est vrai, comme en fait. Affaire. Ouais. Oui, puisque on n'a pas la culture de Quentin sur ce sujet, mais oh, attention, Quentin, il s'est carrément désolidarisé. De, ouais, non, mais par rapport au bouquin, je parle. Oui. Il y a que 3 bouquins. Je crois qu'il y a que 3 bouquins. Donc voilà, ils ont fait une deuxième partie, comme ça, c'est fait pour tous les trucs pour ados. Donc voilà, un truc en téléfilm. J'ai envie de dire, et pour qui annoncerait une série en forme de spin-off en plus. Voilà. Quel intérêt, voilà, putain. Voilà. Quel intérêt. Donc c'était juste pour vous, pour la minute, où ouais. On vous dit, ben voilà. On a même pas envie d'en parler. Voilà, franchement. J'ai pas vu les films, et même moi, je m'en... Le premier est sympa, le 2, bon, le 3 est pas possible, mais c'est surtout que... Mais fallait le faire au cinéma. C'est-à-dire qu'en gros, on se tapait tout ça pour rien. En plus, moi, j'étais de bonne foi, parce que je suis quand même... Je voulais pas le voir, hein, au-delà du mur. Hein. Je me suis dit, je vais quand même aller voir, parce que c'est l'avant-dernier. Comme ça, finalement, je l'ai vu pour rien. Ouais. Donc, t'es encore plus dégoûté. Ouais, bah, rendez-moi mon argent. Lui, il sera dans mon flop pour la peine. Rendez-moi mon argent, espèce de. Ah ouais. Non, mais enfin voilà quoi. On passe à Comic-Con. On passe aux news Comic-Con cette fois-ci, en parlant d'un film qui s'annonce aussi très nanardesque, dirons-nous. King Arthur de Guy Ritchie, donc Guy Ritchie qui s'est fait connaître avec Snatch, je crois, si je dis pas de bêtises, des films de gangsters, etc. Puis après, il a fait sa célèbre série de Sherlock Holmes que je ne supporte pas. Ah, le 2 est formidable. Ah bon ? Ah, j'adore le 2. J'aime pas le 1, mais j'adore le 2. Pour moi, Sherlock Holmes, c'est le truc de BBC et rien d'autre. La série de BBC. C'est ah, bah ben oui, avec Benedict Cumberbatch. Ouais. Forcément. Donc, et la saison 4 arrive bientôt d'ailleurs. Justement. En 2017, il serait peut-être temps quand même. Hein. Ouais. Parce que 2013, je suis en 2014, 15, 17, 3 ans pour faire une saison. Ouais, mais après, si c'est de la qualité, écoute, hein, on va pas, ouais, on va mais pas bon, se plaindre. Ma patience aussi, elle a des limites. Voilà, c'est tout ce que je dis. Donc voilà, King Arthur par Guy Ritchie, un film sur la légende d'Arthur par Guy Ritchie, vous avez bien entendu. Hein. Donc avec Jude Law, Charlie Hunnam, et la bande-annonce a l'air vraiment nanardesque à fond. Et en même temps, quand j'ai entendu parler de ce truc, je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'ils font encore. Et quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ça a l'air tellement con que j'ai envie de le voir. Mais c'est juste pour... C'est vrai que ça a l'air très con quand même. À quel point c'est con, je veux voir le film pour voir. Même les affiches, quand tu vois les affiches très de mauvais goût, je sais pas, la typographie, c'est ouais, ça ouais. Non, c'est vrai. Ouais, c'est pas beau, il y a vraiment. On dirait qu'ils en font exprès quoi. Mais oui, mais j'ai peur qu'ils en fassent exprès justement là. Oui, ça... du coup, ça t'attise, tu te dis, mais je suis curieux. Non, en fait, s'ils faisaient pas exprès, ça m'attirerait plus justement. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils se rendent compte qu'ils font un nanar. Qui rectifie un peu le tien. Ouais, tu vois, genre ils font ah ouais, on en fait un nanar, c'est pour se moquer de nous-mêmes. Et quand quelqu'un est conscient qu'il fait de la merde et qu'il le revendique, c'est jamais bien. C'est souvent le truc. Hein. C'est pour tous les nanars, genre tout ça, Sharknado et tout ça, c'est ce genre de truc et c'est vraiment pas génial quoi. C'est naze même en tant que nanar, enfin supposé nanar. Donc voilà. Je suis quand même un peu tenté, j'irai certainement pas donner mon argent pour ça, certainement pas, mais voilà quoi, je verrai ça en fin de soirée à 2h du matin pour bien me marrer, voilà. Je pense que t'as rien d'autre à rajouter. Non, ça a l'air ni fait ni à faire ce truc-là. Ouais. Et d'ailleurs, le film d'Antoine Fuqua, à la limite, c'était pas mauvais. Hein. Il y a très très longtemps, ça je l'avais loué en DVD longtemps. À l'époque. Ça fait super longtemps. Ouais. Hein. Moi, je l'avais vu sur une chaîne, je sais plus quoi, une chaîne qui existe même plus de cinéma quand j'avais encore un mois de chaîne cinéma gratuite. Mais c'était vraiment il y a très très longtemps. Quoi. Non, moi, j'avais loué à l'époque et c'est vrai que c'était bon. Bah écoute, moi j'avais vu des épées, j'étais content. Oui. Il y avait Kill Bill à côté. Bon. En termes d'épée. Oui. On passe ensuite à Snowden qui s'offre un nouveau trailer. Et j'étais surpris parce que moi je pensais que le film viendrait plus tard, mais en fait il vient fin d'année en fait. Quasiment le 2 novembre. Non, même pas, 2 novembre 2016. Donc toi t'as pas vu la nouvelle bande-annonce de Snowden ? Non, j'ai vu que la première et comme j'ai beaucoup beaucoup aimé, on en avait parlé la dernière fois, j'ai pas envie de voir le deuxième. Parce que... Ouais, et ben moi j'ai encore plus de doutes. Oh non. Si, j'avais déjà pas mal de doutes sur la première, surtout avec Joseph Gordon-Levitt qui fait même si sa voix elle ressemble vraiment à Edward Snowden, ça fait trop forcé, c'est horrible. Et je pense qu'un film de 2 heures voire 3 heures, parce que c'est Oliver Stone avec cette voix forcée, avec cet acteur qui se force. T'as vu The Walk ou pas? Mais oui, j'ai vu The Walk et j'avais bien aimé. Mais je l'avais vu en français. Ouais, et t'as pas mais j'ai vu en français. Bah oui. J'ai vu en version française. Et en fait, je pensais avoir fait une erreur, mais en fait, quand je vous entends parler de la VO, je pense que j'ai bien fait. Donc c'est... Ah mais oui. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment été surpris quand j'ai vu cette bande-annonce. Donc voilà, Edward Snowden, on rappelle un peu, qui a dévoilé le programme de surveillance de la NSA et qui est toujours en exil en Russie. Mais... Chut, dis pas où il est, si elle nous écoute. Il y a la NSA qui nous écoute. Oh, la balance, viens. Ils le savent, mais ils peuvent pas venir le chercher, c'est ça qui est bien. Mais pour moi, il y a un problème avec ce film, c'est qu'il se fait trop tôt. Mais le sujet est intéressant à traiter parce que il faut en parler, parce que c'est très bien que les gens se protègent contre tout ça, contre tout l'espionnage et même protéger contre même le piratage informatique, c'est un truc de base, mais il y a beaucoup de gens qui le font pas, donc c'est très bien d'en parler. Mais Je pense vraiment que c'est trop tôt pour Oliver Stone, lui qui a fait des... Et même, bon, je sais qu'il a fait un film sur George Bush, et je pensais vraiment à cette époque-là que c'était même trop tôt pour en faire un. Parce ouais, que... Oui. Bon, George Bush, oui, voilà. C'est sûr. Lui, il faisait Nixon, il faisait des trucs qui étaient passés, où ils ont pu réfléchir dessus, où ils ont pu... voilà. Alors que là, Edward Snowden, déjà, il est, ça s'est passé il y a même pas 2 ans, deux ou 3 ans, je crois. Il est toujours vivant. Assurez-vous, oui, et... toujours la banane. Non, putain, à chaque fois que je vais dire ça, voilà, on va continuer parce que c'est. Mais déjà, j'aimerais bien savoir sa réaction face au truc parce qu'un gros studio s'empare de son histoire comme ça et qu'on fasse plein de fric. Bah, ils ont dû lui demander quand même, non? Enfin, ils peuvent pas faire ça sans le consulter d'abord. Non, je pense que. Enfin, il y a une liberté artistique hein, sur les gens. Ouais, mais public. Quand même, avec un sujet pareil. Non, bah justement, pour pas ternir son image et son. Bah, je pense qu'ils ont aussi, fait des recherches. Ils ont fait des recherches, mais ils ont peut-être pas dû lui demander. Enfin, après, je m'avance un peu, mais comme c'est présent. Alors, déjà, le problème avec cette bande-annonce, c'est que c'est le hacker des films des années 80. Tu sais, il tape un peu sur son ordi, il fait ah, je suis rentré dans le système, c'est trop bien. Et ça se sent vraiment dans toute la bande-annonce. Dans la bande-annonce, il y a un écran géant. Mais qui fait tout le mur où il y a un truc Skype affiché, une vidéo, un truc comme ça. Et c'est, ça fait tellement que, enfin, ça existe pas dans la vraie vie, ou alors ça existe chez des méga riches qui n'ont rien, qui n'ont que ça à faire. Mais ça fait vraiment hacker et film d'informatique des années 80. Et qui, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas renseignés sur le sujet, quoi. On voit un peu des fenêtres Windows, etc. Genre, ah ouais, je hack le truc, c'est trop bien. Et en même temps, il est en train de parler, en même temps qu'il hack. Enfin, voilà, quoi. Ouais, mais c'est un peu l'archétype du petit malin qui arrive à s'introduire un peu partout dans les systèmes après, informatiques. C'est de l'archétype. Hein. Et après, Oliver Stone, il dit quand même, enfin, il annonce quand même qu'il fait un film qui représente un peu la réalité sur ce qui s'est passé. Et pour moi, ça fait vraiment, enfin, ça fait bizarre, ça fait parodie, en fait. J'ai l'impression de voir une parodie d'un film. Et je sais pas l'expliquer autrement que par ces mots, mais c'est vraiment bizarre. L'abandon, c'est vraiment bizarre. Le film, je le verrai peut-être pas au cinéma. Franchement, je pense pas le voir au cinéma, surtout s'il dure 3 heures. J'ai pas envie de me taper 3 heures de Joseph Gordon-Levitt qui fait exprès de parler avec son accent là, horrible. Enfin voilà, c'est des trucs, ça me tente plus, enfin ça me tente vraiment pas. Voilà, j'ai dit ma pensée. Toi, je sais que tu l'attends après avoir vu la première bande-annonce. Moi, j'étais curieux après la première bande-annonce, mais j'avais des doutes. Et là, mes doutes sont renforcés par cette bande-annonce. Ok, bon, bah, c'est pas grave, tout le monde a mauvais goût. Mais. Genre, t'avais pas vu alors le film. Alors, moi, il y a un truc qui me fait un peu. Un peu peur. Alors, moi, j'ai pas vu la deuxième bande-annonce, mais je vais peut-être la voir parce que. Puis c'est vrai que sur l'informatique, tu t'y connais plus que moi, etc. Et je comprends que le côté un peu archétype, un peu cliché justement du entre guillemets geek qui arrive à tout faire. Peut-être que ça te lasse et je comprends tout à fait. Le truc, moi, par contre, surtout on est en 2016. Hein. Peur. On est en 2016. Tout le monde a déjà touché un ordinateur. Exactement. Quasiment tout le monde a touché un ordinateur. Donc. Alors si en termes de cinéma, ça a l'air, en tout cas là, je me base sur la première bande-annonce encore une fois. Si ça a l'air absolument excellent. Même génial, sensationnel. Moi, je viens là tout de suite, sous les yeux, j'ai l'affiche. Où on voit en gros un plan sur le visage de Snowden avec écrit « Nous sommes tous sur écoute ». Ouais. Moi, il y a un truc qui me dérange un peu parce que j'ai peur quand même du film un peu anxiogène. Ah, mais complètement. Et au final, pas du tout objectif. Parce que moi, ce que l'image que j'ai d'Oliver Stone, même sur ces films de lui que je n'ai pas vus, mais je me base sur des retours que j'ai, JFK par exemple, c'est une enquête, c'est un point de vue certes, mais Stone ne prétend pas détenir la vérité absolue, c'est-à-dire qu'il y a quand même, il y a une part de doute qui fait que le film, c'est pour ça que les 3 heures sont justifiées, parce que visiblement il étale pas mal de trucs et c'est au spectateur de se faire un peu son petit truc avec les outils qu'on lui donne. Que là, avec ce film là j'ai quand même l'impression qu'Oliver Stone d'emblée, c'est dit sur l'affiche, il y a pas de doute possible, on est sur écoute, point. La CIA c'est les méchants, Snowden c'est le gentil. Et peut-être que j'ai peur qu'on, encore une fois, parce que c'est pas neuf, hein, de s'attaquer à la CIA et de dire qu'en gros, tout le monde nous écoute, qu'on est manipulé, machin, les Illuminati, je sais pas quoi. On le sait. Ça, c'est pas neuf. Donc j'ai peur quand même du, en gros, du film qui veut dénoncer, mais qui au final, qui prend pas l'autre point de vue en compte. Voilà, qui prend pas l'autre point de vue, puis qui, vraiment tout sage, un peu inoffensif dans sa morale. Ouh. J'ai un peu peur de ça. Après, sur le plan cinématographique, je l'attends parce que Oliver Stone, voilà, et peut-être, et bon, dans la première bande-annonce, Joseph m'avait pas tant dérangé, mais dans le traitement, peut-être que je redoute le côté très manichéen et un peu bête. Je trouve un peu bêta, un peu simpliste. Le raisonnement très simpliste. Surtout que l'affaire est pas simple. Hein. C'est quelque chose qui, justement, qui pourrait justifier les 3 heures, mais je pense que faire un film. Ah bon, on sait pas si ça dure 3 heures, hein, mais non, bon, non. Oliver Stone, voilà. J'ai annoncé 3 heures, mais pour moi, je me base sur les films d'Oliver Stone. Mm. C'est généralement 3 heures, 2 heures. Ça fait rarement, ça fait rarement 1h20. Ouais, voilà. Mais je comprends, mais c'est ça qui peut peut-être me faire peur. C'est vraiment le traitement un peu manichéen. Ouais. Et je pense que sur un sujet comme ça, je pense que c'est pas aussi simple qu'on le pense, que c'est beaucoup plus complexe, et qu'Oliver Stone, j'espère qu'il va se creuser un peu, et qu'il va un peu tâter un peu partout, et qu'il se lance dans plusieurs points de vue, et je pense que ça rendra le film nettement plus intéressant, parce que 3 heures sur un point de vue unilatéral, pour moi, ça va être très chiant. Très chiant. Je pense pas qu'il y aura... Parler, sérieux. Désolé, mais je pense pas qu'il y aura ça. Je pense qu'il prendra en compte les deux points de vue. Il y a pas de souci. Ouais, ça se voit même un peu voir, dans l'annonce. L'affiche, c'est juste un. Je pense que c'est un détail. Enfin voilà, c'est pas. Ouais, c'est pour donner envie. Mais ouais, bon. Voilà. Oui, mais en même temps, un film comme ça, enfin moi, je vois ça, j'ai pas trop envie. Hein. Nous sommes tous. Je suis un peu parano déjà, donc c'est pour ça que je veux pas voir Citizen 4. Non, mais et pourtant. S'il faut voir un film sur Snowden, c'est celui-là. Hein. Moi, je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Parce que c'est une journaliste qui fait ça. Enfin. Et ça, c'est un film qui a. Enfin, il y a eu des risques derrière. Voilà, c'est un peu fiction, quoi. Enfin, c'est complètement de la fiction. C'est fictionné. Mais il y a une prise de risque même dans le point de vue humain, c'est-à-dire qu'elle s'est mouillée. Lui, enfin voilà, il y a eu des trucs. Voilà. Et le problème, c'est que l'affaire n'est toujours pas résolue. Et c'est pour moi, c'est ça le problème, c'est que le truc n'est toujours pas résolu. Ouais, mais alors attention. Alors là, sur ça, je vais avoir un argument imparable. Vas-y. Concrètement, le tueur du Zodiac, on l'a jamais trouvé, mais ça a pas empêché Fincher de faire Zodiac. Ça a pas empêché Bong Joon-ho de faire Memories of Murder. Exactement. Hein? Ah bon? oui, c'est vrai qu'il paraît que bon. Non, mais c'est de vrai, c'est pour de vrai, c'est une vraie histoire. C'est du vrai, je croyais que c'était de la fiction, Ce film, en plus, je l'ai revu récemment, il est tellement bien, mais tellement horrible. Faut que je le vois. J'avais commencé, j'avais pas été au bout. J'étais fatigué, il était 2h30 du matin, t'inquiète pas, je vais le regarder. Mais voilà, mais je sais, c'est un argument qui se tient complètement, mais pour. Voilà. Là, c'est quelqu'un qui. Oui, je comprends. Il a pas tué quelqu'un non plus, tu vois. C'est pas non plus. Voilà. Il a révélé quelque chose qui était complètement. Ah, c'est moins grave de tuer quelqu'un que d'être sur écoute. Bon, au final, la vie d'un homme, qu'est-ce qu'on en fout. Oh non, faut pas rigoler avec ça en ce moment. Oh ouais, mon dieu. Ouais. J'ai rien dit. Non, mais voilà. Donc, voilà. Bon, bah, moi, je suis très, très sceptique. Voilà, sera le point final. On passe ensuite à une annonce sur Captain Marvel, donc Brie Larson qui a été confirmée en tant que Captain America après être oscarisé sur Room. Captain Marvel, pardon. Oui. Après être oscarisé après Room, donc en tant que meilleure actrice. Fait partie de ces acteurs qui vont vers les Marvel et les super-héros. De toute façon, ils y vont tous, hein, quasiment. Tout le monde. Sauf Bryan Cranston qui va vers Power Rangers bizarrement. Bon, c'est des super héros aussi, hein. Ouais. Dans sens. Mais voilà. Brie Larson qui rejoint l'écurie Marvel. Voilà, c'est ni une bonne nouvelle ni une mauvaise nouvelle. C'est cool, voilà. C'est cool pour elle. Hein. Oui, c'est cool pour elle. Elle va se faire de l'argent. Et pas que Marvel, hein, va quand même dans des trucs très hollywoodiens. Oui. On va en parler juste après. D'un film dont elle est aussi un des rôles principaux, dont elle tient un des rôles principaux. Donc voilà, Captain Marvel qui sortira entre Avengers 3 partie 1 et Avengers 3 partie 2. Voilà. Vous sentez un peu le l'agacement dans ma voix et c'est pas c'est pas pour, c'est pas enfin vous ne supposez pas c'est pour de vrai. Je commence un peu à en avoir ras-le-bol de tout ça, mais bon. T'es snob, t'aimes pas les blockbusters. Non, c'est vrai, je déteste. De toute façon, j'ai détesté Star Wars 7. Hein. C'était pour la blague, tout ça. Hein. C'est pour la blague. C'est la copie. Bah, oui, c'est la copie. Star Wars, voilà. C'est la copie. Non, mais... Et puis voilà, tout ça, on s'en. Enfin, c'est l'arnaque. Bah, bon, voilà, Captain Marvel, Brie Larson, cool. Je connais pas Captain Marvel, donc je peux pas vraiment vous donner mon moi avis non plus. Sur le. Non, mais normalement, dans Super Black Panthers, tout ça, ou même Doctor Strange. Je vois à peu près qui c'est, mais alors Captain Marvel, pas du tout. C'est une des. Dans mes souvenirs, alors là, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, mais je crois que c'est la super-héroïne la plus puissante, et même un des super-héros, en excluant le genre, le plus puissant de l'univers Marvel. Mais après, je crois que c'est ça. Hein. Je vais prendre avec des pincettes. Je l'ai vu dans 2-3 comics, elle est cool. Moi, j'aime bien. Enfin, de ce que j'ai vu, le personnage ne me dérange pas. Donc voilà. C'était juste pour vous annoncer ça. Oui, on va pas en faire tout un fromage. Voilà. On passe à un truc que. T'as pas relevé! Je sais que ça fait souvent, oui. Mais j'ai dit, c'est... Oui. On va pas en faire tout un fromage. Oui. Brie Larson, fromage. Voilà. Voilà. Vous avez l'explication de la blague qui était peut-être passée inaperçue. Elle était drôle. Oui. Donc, on passe ensuite à une autre news qui concerne les fans d'Harry Potter, on va dire. Le spin-off d'Harry Potter, donc Les Animaux Fantastiques, qui a reçu une nouvelle bande-annonce lors de ce Comic-Con 2016. Voilà, Eddie Redmayne qu'on retrouve. On voit plus des créatures, etc. Moi personnellement je m'en fiche un peu, on va dire, pour dire ça clairement. Mais je pense que les fans d'Harry Potter sont très contents de voir ça. Donc toi, est-ce que tu as vu la bande annonce ou pas? Non, j'ai pas vu la bande annonce. Je suis fan d'Harry Potter. J'adore Harry Potter, même les moins bons, donc ceux de David Yates, je les aime quand même parce que c'est la continuité, parce que j'ai grandi avec, c'est une saga qui m'est vraiment, enfin qui m'a accompagné durant mon enfance, mon adolescence, enfin j'ai vraiment un rapport très nostalgique avec cette franchise et donc voilà, je pourrais jamais la détester objectivement, enfin la détester, la critiquer objectivement, vraiment. C'est toujours voilà. Maintenant je suis un adulte, j'ai 23 ans, toutes mes dents. Enfin non, j'ai deux couronnes. je ne vois pas l'intérêt de ça. Même avec la meilleure volonté du monde, j'essaye de me dire pourquoi. Et au final, non, je trouve pas de réponse. La réponse, tu vas la trouver très vite, hein, 16 novembre 2016. Ça arrive plutôt que. Enfin, moi, je m'attendais pas non plus à au film qui sort si tôt, mais. Mais d'un point de vue dans l'intérêt de par rapport à la mythologie d'Harry Potter, ouais. qui est quelque chose de terminé, et je pense que c'est pas bien de vouloir toujours redonner vie à des franchises qui sont terminées. Je pense que une franchise vieillit mieux quand on ne cherche pas à la relancer, quand elle reste dans le temps de façon intacte. Harry Potter, là ils vont ressortir des magnifiques éditions Blu-ray pour le mois de septembre. Très franchement, je pense que la saga vit beaucoup mieux en ressortant de temps en temps des Blu-ray, des coffrets, des Blu-ray, tout ça, des pour rééditions. Pour faire raquer. Oui, non mais je trouve. Alors oui, c'est vrai, mais en même temps, quand on voit, enfin, même moi, honnêtement, je pense que si j'arrive à trouver un boulot d'ici là, c'est pas facile. Je pense que je me laisserais tenter par l'intégrale à 260€. Hein, putain. Ouais. Avec les Blu-ray, les bouquins, c'est. Ouais, c'est vrai que c'est cher. Bon, au pire, il y a la version pour ceux qui sont au RSA à 60€. oui, voilà, t'as la même. Non, mais voilà. Non, mais je trouve qu'une saga vieillit mieux dans ses. Quand on la laisse. Quand on cherche pas à la relancer, c'est ça qui fait. C'est le côté. On va dire. Enfin voilà, une saga, si elle est bien, elle traverse le temps. On n'a pas besoin de la relancer pour qu'elle reste dans les mémoires. Oh, Harry Potter, c'est très bien. Il faut pas. Je vais faire de la politique parce que franchement, je m'indigne contre ça. Donc je comprends pas l'intérêt. Ça, moi aussi, je comprends. Et ça va faire appel. Moi, je pense que même ceux qui sont fans d'Harry Potter, ils iront même pas le voir avec un regard nostalgique. Ah mais non, il y en a qui sont très contents de voir ça. Hein. Bah ouais, je. Mais je. expliquez-moi, je ne vous comprends pas. C'est tout. Ben ouais. Ben, enfin, moi, je. Voilà, je l'ai déjà dit. J'ai vu que les trois premiers Harry Potter. Et après, j'ai arrêté. Voilà. J'ai lu que les trois premiers Harry Potter. Et après, j'ai arrêté. Bizarrement, mais voilà. Je sais pas si un jour je me retenterai. C'est pas un univers qui me tente plus que ça en ce moment. C'est un truc. C'est pas quelque chose que je recherche, en fait. Je pense que c'était bien quand j'étais enfant. Début d'adolescence, mais après. Après, je suis passé au Seigneur des Anneaux et c'est tellement mieux, quoi. Ah, c'est pas pareil. Le vieux troll. Non, voilà, bon, voilà. Tout le monde a sa saga préférée. Voilà, la bande-annonce est jolie, hein, c'est pas dégueu. C'est... Les effets spéciaux sont vraiment. J'ai été étonné. Mais à part ça, voilà, quoi, c'est un truc. Certainement pas. Enfin, je le verrai certainement pas, quoi. Et tout le monde me dira soit c'est bien, soit c'est pourrave, soit c'est moyen. On verra. Ah, moi, je. Puis même, c'est David Yates, quoi. Oui, aussi. Voilà, tout est dit. Enfin, genre, c'est David Yates qui a pas fait les Harry Potter les plus mémorables, même si voilà, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, je les aime parce que c'est des Harry Potter, mais pas parce que c'est David Yates. Sûrement pas. Certainement si pas. Je dois aimer un Harry Potter parce que c'est un réalisateur, le 3, quoi. Voilà. Attends, Axel, attends. Enfin, franchement, pour moi, c'est le seul que je reverrai vraiment avec plaisir. Parce que les deux premiers, je les aime un peu, mais c'est pas non plus des films qui m'ont. Je suis en train de faire mal au cœur à tous les fans d'Harry Potter. Là. C'est ça, oui. Bon. Alors, on passe maintenant à une autre bande-annonce que j'étais impatient de voir. Donc, Skull Island, la première bande-annonce de Skull Island. Donc, une suite... non, c'est un nouveau... Non, c'est un nouveau King Kong, voilà. Oui, Donc, qui prépare King Kong versus Godzilla, il me semble. Ouais, je crois. Ouais, voilà, tu vois. Juste d'entendre ça, ça me... Bon. Voilà. En fait, on fait même plus des films... pour raconter un truc sur le fait non. sur le moment, c'est des films pour annoncer d'autres mais films. Mais oui, c'est ça. C'est génial. Ça devient dépressif, déprimant. Oh, déprimant, pardon. Ouais. Je trouve tes mots, t'inquiète. Ouais, merci. Donc voilà, première bonne annonce de Skull Island avec Brie Larson, Tom Hiddleston. Ça pète de partout, ça fait vraiment penser à Apocalypse Now, franchement. Enfin, dans les débuts, je me suis dit, putain, je me suis trompé de film, de bonne annonce, c'est pas possible. Malheureusement, j'aime pas Apocalypse Now, mais franchement, même l'hélicoptère en 3D, c'est pas possible déjà. Mais bon, on peut pas filmer des vrais hélicoptères en vol, c'est pas possible. Ah bon? Non, mais je rigole. Justement, c'était des jouets parce qu'ils ont eu tellement de mal à le faire que. non, mais voilà quoi. Enfin, la première annonce, moi j'attendais vraiment ce film, il me tentait beaucoup. Il y a du bon, il y a du moins bon dans cette bande-annonce. Les effets spéciaux sont pas géniaux. Par contre, tout l'univers, le décor autour a l'air vraiment bien travaillé et tout ça. Mais après, on voit pas beaucoup, on voit quasiment pas King Kong. De ce que je sais du Godzilla 2014, c'est qu'on voyait pas beaucoup, ou quasiment qu'à la fin, le Godzilla. Et j'ai peur que celui-là ce soit le même truc parce que c'est la même société de production qui le fait, Legendary, ouais. Si je me trompe pas. Ouais. Voilà. Il y a Samuel L. Jackson, John Goodman aussi. Je savais pas qu'il y avait John Goodman dans le film et c'était une bonne surprise de le voir dans la bande-annonce. Samuel L. Jackson aussi. Hein. Voilà. Il est partout. Il est partout, mais exactement. Après, de ce qu'on a pu voir du Kong... Enfin, moi, j'ai vraiment peur... du Kong. T'as dit du Kong. Ah, du Kong. Du King Kong. voilà, moi, j'ai assez peur au vu de ce qu'ils sont en train de faire du film. Et de ce que j'ai vu dans la bande-annonce, alors je sais que c'est pas final, mais j'ai l'impression que le King Kong est moins bien réussi que le King Kong de 2005, quoi. Alors que tout est moins bien que le King Kong de 2005. Hein. En matière de blockbuster, je pense que c'est un des derniers grands blockbusters qui, pour moi, marque le cinéma. Enfin, je veux dire, non, le King Kong de Jackson oui. est, et c'est monstrueux. Hein. Ah oui, mais c'est enfin, et on est censé entrer en 2016. Il a été fait en, il est sorti en 2005, donc ça veut dire que les animations ont été faites 2004-2003. Et ça ressemble à un, enfin voilà quoi, on serait même censé faire mieux dans une bande annonce aujourd'hui, donc du coup ça me fait vraiment peur quoi, et il y a des trucs comme ça qui me font peur. Le scénario a pas l'air génial, enfin je suis pas intéressé. Moi, je suis pas d'accord quoi, avec toi, c'est dingue. je suis tellement pas d'accord, mais vas-y, mais pourtant il y a Eddie qui voulait pas le voir et qui a été, enfin je sais, de ce que je sais, qui a été très content de voir la bande annonce et qui est impatient, et enfin à chaque personne que je parle qui avait pas envie de le voir, et ben maintenant avec cette bande-annonce ils ont envie de le voir, et moi c'est con, enfin j'ai encore un peu envie de le voir, mais c'est pas non plus pareil. Non mais je suis pareil que je voulais pas le voir quand le projet a été annoncé parce que je m'en foutais. Et en voyant la bande-annonce j'ai vraiment aimé. Franchement hein, même visuellement ça m'a pas choqué. Bon, je m'attendais évidemment dans ce genre de film où il y a des créatures, c'est ce genre de créature iconique, on s'attend toujours à la fin à le montrer, c'est genre un orteil, je m'attendais au plan de fin, hein. Même si là c'est quand même plus explicite que je l'aurais pensé, mais pourquoi pas. Enfin, bon casting, ils font ça quand même en face du soleil quoi. oui c'est sûr. Bon casting je trouve. Oui, non, le casting Tommy Dolstone, est très bon. Enfin voilà, puis voilà, petit film, enfin petit film d'aventure. Je pense pas que ça va être. Et je pense qu'il vise plus. Pas hein. Enfin, moi personnellement, je pense. Ah bah j'espère plus. Pas parce que je pense que. Et moi c'est ce que j'espérais. Va... Attends. Ah oui d'accord. Oui. Tu oui vois. Tu vois donc partant de là. Et moi je pense que ça n'atteindra pas la perfection émotionnelle et non, technique mais non, mais... du King Kong de Jackson. Parce que même techniquement, hein, le King Kong de Jackson, faut le revoir. Hein. Il est tellement beau. Non, enfin, mais c'est hallucinant. Ce film il est incroyable. Même en plus ça dure. Alors moi les films longs, hein, vous le savez, ça me. J'ai du mal à tenir des fois, mais le King Kong de Jackson, oh j'ai envie de le revoir, je vais le revoir bientôt. Ouais, moi il faut que j'achète en Blu-ray absolument pour. Ah, je l'ai en Blu-ray, j'ai revu 2-3 scènes en Blu-ray, c'est génial. Et dans la technique, c'est tellement, enfin voilà, King Kong interprété par Andy Serkis, peut-être ça que t'aimes pas, il y a pas Andy Serkis dans mais celui-là. Voilà, mais voilà, moi j'aime Andy Serkis, j'aime voilà, Gollum, j'aime Peter Jackson, j'aime pas tous ces nouveaux gens. non, oh là, voilà. Là, là, là. Non, ça me paraît vraiment bizarre. Enfin, tu vois, parce que moi, je m'attends à un truc aussi émotionnel, et j'ai l'impression que ça va être un gros truc de monstre con à mourir. Oui, je pense que ça va être ça. Hein. Ça va pas jouer du tout sur la carte de l'émotion, même si c'est pas incompatible, parce que encore une fois, quand on voit le film de Jackson, c'était un film d'aventure énorme. C'est un film. Tu dis bien le mot aventure, alors que là, ça a l'air d'être un film d'action. Ah voilà, oui. Et avec tous les flingues, tout me tire dans la jungle comme des avec gros démons demeurés. Enfin avec... voilà, ça me fait penser aux bandes annonces de Jurassic World quand on avait peur que ça, si on pas peur pas totalement, enfin qui était un peu justifié quand même, mais voilà. Ça a l'air d'être un truc, un actionneur dans la jungle. Attention à tes souhaits, hein, parce que ça se trouve, ils vont la jouer, ils vont faire une fin façon Jurassic World. Mais voilà. Ils vont faire des espèces de gorilles, une armée de mini-gorilles. Des gorilles croisés avec des dinosaures. Ah. Et après, des gorillesors. Voilà, un Godzilla, croisé avec un King Kong, enfin voilà, des trucs. Moi, je m'attends au pire, hein, je m'attends vraiment à des trucs, mais bon. Godzilla Kong. Ouais, Godzilla Kong pour 2020. Vous n'avez jamais vu ça sur votre écran à part par les productions Asylum. Mais enfin voilà. Moi ça me fait vraiment penser à des genres de trucs production Asylum avec plus de budget quoi. Et je sais que c'est méchant de dire ça sur un film que j'ai même pas encore vu. Je pense que là t'es. Tu vas avoir des lettres de menace. Non, mais je vais assez loin dans la provocation justement parce que. Mais le film, voilà, il me tente quand même un peu parce que je suis toujours attaché à ce personnage, à King Kong. C'est une créature que j'aime beaucoup. Pour moi, King Kong, j'ai pas vu le film. Je connais bien King Kong, c'est un pote. Voilà, mais j'ai pas vu le film de 1976, je crois, avec Jeff. Moi non plus, j'en ai vu aucun. J'ai vu Jeff que Bridges, le Jackson. Mais moi, j'ai vu, enfin, le premier est tellement bien. Le premier 1934, franchement, ils ont sorti une édition Blu-ray qui est splendide. On a l'impression que ça a été, bon, quand même pas tourné hier, mais voilà quoi. c'est tellement au niveau des animations du truc, même si ça paraît quand en fait le truc c'est que quand on regarde vite fait, quand on voit des extraits du truc, on se dit putain qu'est-ce que c'était moche quoi. Ouais d'accord, c'était beau techniquement à l'époque, mais là c'est vraiment moche, alors que quand on rentre dans le film on voit, oui, on voit plus les petits défauts. Et pour, voilà, pour moi, les deux King Kong qui ont été faits, pas celui de 76 parce que je l'ai pas vu, apparemment il est pas si génial que ça, pour moi c'est vraiment des films parfaits. Et là, on essaye de faire un truc de gros monstre complètement con. Oui, je pense que c'est ça. Et si ça, oui. Il y a, peut-être l'ambition est différente, ouais, mais c'est justement pour ça que j'ai envie de le voir. Le côté gros monstre, un peu voilà, dans l'actionneur, un peu musclé, un peu féroce. Ouais. Ouais, pourquoi pas? Parce que j'attends pas. Enfin voilà, King Kong de Jackson m'a tellement apporté tout sur le, ouais, plan de l'aventure, sur le plan de l'émotion, sur la technique. Je trouve que c'est vraiment un film très complet avec beaucoup. Il y a beaucoup de genres. Hein. C'est un grand film d'amour aussi. Puis ouais, même le coup de voilà l'histoire d'amour. Enfin pas d'amour, mais le lien entre la bête et la belle et la bête, c'est quand même magnifiquement retranscrit quoi. Ouais. C'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma américain et, exactement, et voilà, et on le dit jamais assez. Non mais moi je parle des deux, je parle des deux complètement, hein. C'est les deux sont, j'ai pas vu, ouais, mais je le verrai parce que je dois le voir. Non mais franchement moi je conseille à tous ceux qui l'ont pas vu, même ceux qui ont peur de voir le film parce que c'est bizarre, parce que c'est pas bien animé, je vous conseille. Ouais mais dans ces cas là Godzilla faut pas le voir non plus alors que c'est génial. Oui. Donc voilà, après je le verrai au cinéma, c'est sûr, parce que même si le film pour l'instant, parce qu'on a vu qu'une seule bande annonce, alors je justifie mon argument que sur une seule bande annonce, je le verrai quand même parce que j'aime tellement cette créature, j'aime tellement cet univers que voilà, je le verrai. On passe maintenant à le côté DC. On arrive presque à la fin. Ouf, parce qu'il commence à faire super chaud. La fin de DC ? Ouais, non. Oh, le merde. Début de DC. Après que tout le monde ait été surpris que Batman v Superman était bien, mais il fallait voir un film de 3 heures. La Justice League, il faudra peut-être voir un film de 4 heures pour, pour comprendre tout. Mais voilà. Oui. Donc une première bonne annonce du film a été dévoilée, donc c'est toujours par Zack Snyder, le Justice League. Il sortira, je sais, 15 novembre 2017, donc dans pas si long, enfin si, dans 2 ans quoi. Donc non, dans quasiment un an même, un an et demi. Donc on a vu la première bonne annonce, moi je suis pas emballé, voilà. Je suis désolé pour le chien que vous entendez aboyer, je pense c'est mon chihuahua. Voilà, désolé. Ok, bah c'est pas grave, les gens savent dans quelles conditions on tourne. donc voilà, moi, comme pour les premières bonnes annonces de Batman v Superman, j'étais pas emballé, et là je suis non plus pas emballé. Alors peut-être que j'aurai une bonne surprise comme en salle pour Batman v Superman, parce que Batman v Superman, j'avais aimé le film, parce que j'étais surpris, parce que j'attendais que dalle. Après un Man of Steel qui m'avait tellement déçu, je me suis dit je vais voir le pire, enfin un gros nanar et ça me fait chier de le voir, mais je vais quand même le voir parce que je dois en parler. Et j'ai été surpris parce qu'il y avait quand même des trucs intéressants dedans. Et voilà, c'est pour ça que j'avais aimé le film. Après j'ai pas vu la version longue que tout le monde a l'air d'adorer. Donc ouais, et redécouvre le film et réévalue moi le premier d'ailleurs, la version longue. Mais voilà. Mais justement, à mon avis, c'est parce que c'est la version cinéma, c'est fait pour les fans de DC qui comprennent tout à l'univers et qui savent tout ce qui va se passer. Et pour moi, c'est un gros problème de Zack Snyder s'il fait ça sur Justice League, parce que Justice League, enfin Batman v Superman, il avait 3 personnages à introduire. Wonder Woman, enfin Flash et Cyborg et tout ça, c'était des caméos, même pas, c'était des apparences d'une seconde. Alors que là, il doit présenter et mettre en scène 5 super-héros en même temps. Ça va être compliqué, hein. Je pense que là, il va falloir gérer. Hein. Et ça va être très compliqué parce que déjà, s'il avait du mal avec un film de 2h30, je sais plus, au cinéma, à présenter 3 personnages. Eh ben, s'il doit en présenter, s'il doit en mettre 5 en scène et en présenter 3, ça va être compliqué. Et en plus, si ça se trouve, Superman va faire une apparence dans le film, on ne sait pas encore, on ne le voit pas dans la bande-annonce. Mais voilà, on voit dans la bande-annonce Batman qui recrute Aquaman, qui recrute Flash, qui recrute Cyborg, avec Wonder Man aussi. Et moi, ce qui me fait peur aussi dans la bande-annonce, c'est l'aspect comique. mais comique à la Marvel, donc c'est du comique pas drôle pour dédramatiser la situation, mais qui est... Enfin, je sais que c'était une des critiques du film qui était... enfin, le film était trop dramatique, trop sérieux, etc. Et c'est vrai que c'était un peu trop sérieux, ok, mais en même temps, c'est Batman et c'est Superman, donc tu peux pas non plus leur faire lancer des blagues à trois... Enfin, c'est pas Deadpool, quoi. Ouais, exactement. Et donc, là, j'ai l'impression qu'ils ont vu le succès de Deadpool, ils se sont dit, bon... qui sait qui est un peu drôle dans l'équipe, Flash. Oh, écoute, on va lui donner des blagues. Alors que Flash, ok, c'est un peu le petit rigolo, c'est un peu le genre de Spider-Man parce qu'il est jeune de DC. Mais voilà, c'est pas non plus le mec qui va lancer 3000 blagues à la seconde et qui va faire ça pendant qu'il se bat. Enfin, voilà, il le fait un peu, mais il le fait pas non plus énormément. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont l'abandon, c'est complètement intéressé à cet aspect sans vraiment s'intéresser à présenter un petit peu mieux les personnages, enfin voilà. Et je sais, toi je sais que t'as été enfin ça t'intéresse, pas mal parce que aussi le casting, j'avoue, ouais, le casting est cool, j'aime plutôt bien le casting, et en ayant revu la Batman v Superman en version longue, c'est vrai que tout de suite, les personnages m'ont davantage intéressé et j'ai envie de voir comment ça va continuer, sans attendre le film comme un fou. Ouais. Mais je suis plutôt hypé. J'aime bien la bande annonce. Ah mais moi aussi. Enfin moi je suis impatient de le voir parce que j'avais bien aimé Batman v Superman. Mais j'ai peur. J'ai peur. Voilà, c'est tout. Après, c'est en matière de casting aussi. C'est vrai que je trouve le casting... Enfin, j'aime beaucoup Ben Affleck en Batman, ouais. Enfin, Bruce Wayne. Ah oui. Voilà. Puis bon, je dois avouer qu'Ezra Miller me laisse pas indifférent non plus. Donc, il y a plein de... Enfin, les acteurs, franchement, je trouve le casting plutôt bien choisi. Après, voilà, il faut quand même qu'il fasse gaffe. Qu'il arrive à faire un film comment introduire ces nouveaux personnages. Bah oui, ça va être compliqué, je pense, parce que quand on voit ce que ça avait donné, parce que même Wonder Woman, hein, réflexion faite, dans le Batman, même en version longue, elle est pas extra non plus. Hein. Il y a du mieux, mais il me semble qu'il y a des scènes rajoutées quand même. Ouais. Par rapport à, ouais, je suis quasiment sûr qu'il y a au moins une scène qui était pas dans la version cinéma, ouais. Mais qui change quand même des trucs. Faut l'avouer, mais. Après, Snyder peut-être est un peu gourmand, et est-ce que faut qu'il sache où il va. Mais de toute façon, avec Justice League, c'est clairement pour rattraper Avengers, quoi. Enfin, ouais, c'est, mais ils essaient de copier le système Marvel, et c'est peut-être pas la bonne idée pour DC. Bah non, parce que Marvel avance à son rythme, DC était un peu à la traîne, faut dire les choses. Ah oui, complètement. Et ils ont vu que Marvel, ça prenait tellement d'ampleur que ça explosait donc ils se sont dit, faut faire pareil vu que ça marche. Et le problème, ils se tiraient des balles dans le pied, même par rapport à Flash. Oui, parce que je reconnais que le personnage a l'air mignon comme tout dans la bande-annonce. Maintenant, on le connaît pas, et donc j'aurais bien aimé aussi un film qui me l'introduise et ensuite qu'on les voit tous ensemble. Là, je pense qu'en fait ils font la chose à l'envers pour rattraper la machine Marvel qui vaut ce qu'elle vaut, assez haut comme c'est bas. Voilà, Civil War, j'ai trouvé ça super sympa, j'ai trouvé ça bien. Et vous voyez mon désintéressement des super-héros au fait que je n'ai toujours pas vu Civil War. Ouais. Et vous voyez que moi je suis de plus en plus tolérant parce que j'en parle et je les vois, oui, mais... je les aime bien. Donc non, mais voilà. Je les vois quand même. Hein. X-Men, j'avais adoré. Hein. C'est pas ah, bon, X-Men, non, ça c'est. En même, X-Men, temps, de toute façon, en même temps, X-Men, c'est là pour te rappeler que tu peux faire des super bons films de super-héros sans pourtant être. Ah oui, puis le casting X-Men vaut tout l'or du monde, donc partant de là. Voilà. Mais. On t'enfile pas. Trois fois par an, tous les ans, on te laisse respirer, et puis on te présente des personnages, on te les développe vraiment bien, mais au fur et à mesure, quoi. Et ça, c'est la force pour moi de X-Men, et c'est pour ça que même si au début je disais que ce serait bien que la Fox fasse un partenariat avec Marvel pour que tous les super-héros se retrouvent, eh ben La direction que Marvel prend ne me plaît pas par rapport à ce que la Fox fait en fait finalement sur X-Men, quoi. Donc je préfère qu'ils gardent leur franchise tranquille et qu'ils fassent ce qu'ils font de mieux, quoi. C'est garder leur film. Bon, après ils ont fait des erreurs parfois, hein. On a parlé de Deadpool, c'est la Fox, hein. Donc voilà, mais Voilà, il y a des erreurs, comme il y a des très très bons films. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. De toute façon, on va continuer sur le sujet. Avec Wonder Woman, la bonne annonce. Donc, premier film de super-héroïne, vrai film de super-héroïne, parce que Catwoman, ça compte pas vraiment. Elektra non plus, c'est pas non plus les plus grands chefs-d'œuvre du cinéma de super-héros, et c'est même pas des films décents. C'est Pitoff d'ailleurs qui avait réalisé. Je sais plus son nom. Il avait un nom à la con. Celui qui a réalisé Catwoman avait été tellement naze ce film. Donc Wonder Woman, on a eu la première bonne annonce de vrai film de super-héroïne. Moi je suis content de voir ce film, même si ça a l'air chiant comme la mort. la bande-annonce ne me vend pas du rêve. Pourtant, moi non plus. Pourtant, j'étais assez enthousiaste au vu de ce qu'ils avaient proposé pour Batman v Superman. Moi, j'avais bien aimé le personnage. C'était vraiment dans ce qu'ils avaient présenté. Le personnage m'intéressait beaucoup. Mais là, l'univers me plaît toujours. Hein, Wonder Woman, c'est cool. L'univers d'Amazon, tout ça. C'est des trucs sympas. En plus, là, ça se passe pour un Première Guerre mondiale, si je me trompe pas, je crois que c'est ça. Hein. J'hésite de dire des bêtises. Mais je vais pas confirmer ni nier parce que je voilà. Mais ça se passe dans les années 10, 20, 30 pour ne rien dire. Donc 2 minutes 51 de bande annonce, c'était quand même assez long et on voit Chris Pine, donc on le voyait sur la photo dans Batman v Superman, quand on voyait que Wonder Woman n'était pas si jeune que ça. Moi la bande-annonce ne m'a pas vendu du rêve. 7 juin 2017 pour la sortie. Je suis quand même impatient de le voir parce que je suis quand même content de voir enfin un film de super-héroïne et surtout un film de super-héros en général réalisé par une femme, donc Patty Jenkins qui réalise le film. C'est une première si je me trompe pas et moi je suis vraiment intéressé de voir comment elle va gérer tout ça et comment elle va pouvoir développer le personnage de Wonder Woman, mais après la bande-annonce ne me vend pas vraiment du rêve. Toi je pense que c'est enfin tu m'as dit que c'était à peu près la même chose. Non moi je trouve ça chiant, mais c'est pas possible parce que un film solo sur Wonder Woman, je m'en fous quoi. Enfin, clairement, c'est pas le personnage que j'ai envie. Enfin, la vie de Wonder Woman, je m'en tape. Mais c'est vraiment à ce niveau-là quoi. J'ai pas d'autres arguments malheureusement. C'est juste que ça m'intéresse pas et je trouve pas ça plus. Voilà, les ralentis. Ouais, ça a l'air complètement générique et c'est ça qui me dérange parce que. Ouais, je trouve pas ça plus beaucoup de choses. Déjà que voilà, le personnage dans Batman v Superman m'a pas tant que ça. M'a pas plu, je l'ai pas trouvé plus badass qu'autre chose, enfin voilà. Donc ça m'intéresse vraiment pas quoi, et je pense que ça va être un film qui va durer genre 2h15 et voilà, le côté fantasy, tout ça, c'est vraiment pas mon style. Pourtant t'aimes Thor ou pas? Non. Ouais. Donc c'est pas pour moi. Super héros plus fantasy, ça te plaît pas? Pas du tout. Thor c'est pas non plus exceptionnel. Hein. Enfin, les films solo sont pas géniaux. Wonder Woman, pourquoi pas. Après, ça a l'air super générique. Hein. C'est vraiment. Je suis désolé d'avoir l'air d'être un vieux blasé là, au micro, mais c'est vraiment tout ce qu'on voit, c'est vraiment super générique. C'était mieux avant. Non, même. En fait, on nous resserre la même soupe tout le temps et on commence. Enfin, moi personnellement. Je commence à en avoir marre. Après, je sais qu'il y en a d'autres qui sont toujours super excités de voir des nouveaux films de super-héros. Et tant mieux pour eux, c'est vraiment bien. Moi, j'étais aussi comme ça il n'y a pas si longtemps. Mais là, en ce moment, c'est vraiment... Je commence à en avoir marre. On voit que ça partout. Et je sais qu'il y a des gens qui se plaignaient déjà de ça il n'y a pas si longtemps que ça. Depuis tout le temps. Mais voilà. Mais je les verrai quand même. Parce que j'aime toujours ça et je suis toujours content d'être surpris comme Batman v Superman ou X-Men, c'était pas une surprise parce que j'étais quasiment sûr que le film allait me plaire, mais voilà. On passe ensuite. Hein, Alors, moi, je vais juste parler d'un truc, parce qu'on n'a pas parlé. Oui. Non, non, rien à voir. Okay. Non, non. C'est une bande-annonce qu'on a vue aussi au Comic-Con. Si, si, mais c'est, ce que c'est pour ça que j'ai fait A. Non, non, non, non, c'est pas du tout, c'est pas du tout ce que tu penses. Donc tu vas c'est en parler en plus. Je vais en parler en plus, voilà. C'est un film qui nous a été vendu sur le titre de The Woods, qui était une histoire de jeunes qui vont dans la forêt, etc., avec une sorcière, etc. Et il s'est avéré que pendant cette bande-annonce, grosse surprise, il est apparu à la fin de la bande-annonce que The Woods était un titre secret, puisque c'est Blair Witch, la suite. Ah du oui, oui, j'avais vu, oui. Voilà, il fallait en parler, hein, donc, parce qu'à la base, donc, The Woods, donc réalisé par Adam Wingard, donc qui a réalisé. Mais moi, j'ai pas vu les Blair Witch, donc du coup. C'est le premier. Enfin, pour moi, le premier est assez exceptionnel, mais bon, aujourd'hui, les gens ont tendance à trouver ça nul, mais je suis vraiment pas d'accord. Donc, Adam Wingard, il a réalisé Your Next. Mm-hmm. Que j'avais pas vraiment aimé et qui du coup voilà, avait ce projet The Woods que voilà, c'était un énième film de genre qui m'intéressait pas du tout, j'en avais jamais entendu parler et c'est vrai que je me réveille un matin, on me dit oh il y a un nouveau Blair Witch, ah bon depuis quand, et là on me parle de projet secret. Le 2 était vraiment naze apparemment. Alors il prend pas du tout compte du 2, hein. C'est vraiment c'est la suite du premier. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, parce que j'ai vu la bande-annonce sans sous-titres et je suis un peu une quille en anglais, donc ça se passe voilà, c'était en 99, donc ouais 15 ans plus tard, enfin 15-16 ans plus tard, ils vont retourner sur les traces de l'équipe qui a disparu pendant le premier, et il y en a un, je crois, qui cherche sa sœur était, enfin je crois qu'il y a un truc comme ça. C'est pas donc, le truc désolé. Des deux ça. Je sais pas du tout. T'as pas vu le deux. Non, j'ai pas vu. Okay, j'ai pas osé vu la réputation qu'il a. Ah oui, non mais. Il me semble que c'est ça. Je sais pas. D'accord. Je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, l'idée que ce soit. Enfin, là pour le coup, bon, on sent clairement que le côté Cloverfield a fait apporter ses fruits. Hein. Mm-hmm. Donc maintenant, je pense qu'on va devoir être habitué. On aura beaucoup de projets cachés. Ouais. Et c'est pas plus mal. Mais c'est bien parce qu'au moins on est surpris. Parce voilà. Que. Ah ben pour le coup, en ce moment, enfin, non, pas en ce moment. Personne n'attendait un Blair Witch. Même si pendant les, quand je voyais la bande annonce, donc The Woods, il y en a, enfin pour le projet, il y en a beaucoup qui disaient, oh, on dirait un Blair Witch. Du coup, bon, c'était un peu mort à ce niveau-là. Donc Cloverfield Lane, honnêtement, personne n'a fait le lien. Hein. Que là, bon, des jeunes qui vont dans des bois, bon, forcément, ça fait un peu Blair Witch. Mais j'ai quand même hâte de voir le film, parce que j'aime beaucoup le premier que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 mois à peu près. Vu. Il est excellent, parce que c'est un vrai film qui pose des questions sur nos croyances, sur les choses qui... Enfin voilà, c'est un film très profond à ce niveau-là qu'il faut regarder avec en se mettant par rapport dans au contexte noir. De l'époque dans le noir déjà moi j'ai flippé hein, franchement il était 1h du matin je faisais pas le fier mais aussi par rapport au contexte de l'époque, la façon dont ça a été vendu, la façon, je trouve qu'il y a vraiment le film est plus recherché qu'on le pense. Aujourd'hui, il est un petit peu vu comme un espèce de truc qui fait pas peur, un peu idiot, tout ça. Et pour moi, c'est pas du tout le cas. C'est un film très très très très puissant, très viscéral à regarder. Mmh. Et qui passe très vite, hein, ça dure 1h15 à tout casser. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite, parce que bon, bah, c'est encore tout frais dans ma tête, le premier. Et c'est vrai que la fin, le tout dernier plan du premier est quand même assez, c'est un gros malaise. Et c'est vrai que j'aimerais bien qu'on m'explique un peu ce que j'ai vu à la fin, parce que j'ai quand même rien compris à la fin. D'accord. Du premier. Hein. C'est assez flou. Donc si on peut m'aiguiller un peu sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'on m'explique un peu. Mais toi, t'aimerais voir quoi comme genre de film, un genre le même genre que enfin cassette retrouvée ou alors un film genre Cloverfield Lane, un film voilà. Moi je préférerais justement un Cloverfield Lane, pas un truc du genre fun footage. Je pense que c'est un genre qui enfin ça devient désuet. Même depuis on en voit quasiment plus et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Ouais parce que bon, là on en a soupé des trucs hein, des bah il y a eu The Visit, Paranormal Activity, des recs. Apparemment désuet. Les recs sont pas si dégueux que ça mais j'ai les deux premiers sont excellents. Même le 3 il est pas mal mais c'est pas en fun footage justement. C'est pour ça parce que le 3 c'est un délire très parodique, très second degré, faut pas le voir comme un truc faut le voir plus comme les un les Espagnols sont très forts dans les films de d'horreur. Et non, moi j'espère, enfin je Le côté fan footage, ça m'intéresse pas parce que, comme je dis, c'est un joueur très qui est très désuet. Ouais. On connaît un peu les mécaniques du fan footage, malheureusement. Quand on regarde les Paranormal Activity, ça, les fan footage, en fait, ça joue que sur le jump scare. Et les jump scares, c'est pas de la peur, c'est du réflexe. Ouais. Donc au final, t'as plus l'impression d'aller dans un parc d'attractions plutôt que de voir un film. Ouais, et le fan footage, pour moi, même si à la base, même si dans le premier Blair Witch, c'était pas du tout ça. C'était une des premières fois qu'on voyait ça, donc enfin, ouais, que les gens voyaient ça, donc du coup. Mais je pense que ça parasite un peu la mise en scène. Ah oui, ça rend les réalisateurs un peu feignants. Les mouvements, même les si caméras Shyamalan... qui font mal au crâne, enfin voilà, des trucs. Alors, par rapport à ça, même si j'aime pas le film pour des raisons purement scénaristiques, Shyamalan, dans The Visit, a super bien utilisé cette technique. Vraiment, c'est un des films qu'il utilise le mieux. Alors, c'est pas le meilleur film que j'ai vu, hein. Mais il est intéressant à voir pour sa technique, pour sa mise en scène, pour sa construction. Franchement, The Visit, en termes de fan footage, c'est un des meilleurs films qui a été fait avec en utilisant ce matériel-là. Ouais. Donc voilà. Mais sur la suite de Blair Witch, c'est plutôt d'un point de vue scénario. Donc j'ai pas envie qu'on me ressort un fan footage. Surtout, le truc, c'est que si on me sort un Blair Witch 2 en fan footage, ça va me faire penser à un remake du premier. Ouais. Parce que concrètement, ils vont sur des traces. Là, après, il y a un peu, c'est un peu différent. Dans le premier, ils allaient chercher éventuellement une sorcière. Là, ils vont chercher des indices sur ce qui s'est passé. Mais on retrouvera évidemment, je pense, voilà, parce que la sorcière, à mon avis, elle est toujours là, elle a pas bougé, hein, la garce. Donc, j'ai pas envie qu'on retrouve les mêmes mécaniques que dans le premier, même si dans le premier, c'est un film qui, les gens pourraient dire, ça ne fait pas peur. Mais parce qu'il y a pas de jumpscare dans le premier du tout, à aucun moment. C'est juste des sons au loin. Des sifflements, des... Après, si comme moi, quand vous voyez une forêt, une fois que la nuit tombe, vous flippez, je pense que Blair Witch, non mais oui, enfin, moi, quand voilà, je vois une forêt, ça me fait peur. Donc, mais c'est vrai, ça fait peur. Au secours. Ah non, mais j'ai très peur. Enfin, je rêve de passer une nuit en forêt avec, avec quelqu'un. Rêves. Ouais, j'aimerais bien, mais vraiment que d'être accroché à la personne, parce que moi je connais mes amis, hein, ils seront capables, tu sais, de courir et de me lâcher, tu vois. Et là, je pense que je serais capable d'appeler la police pour me dire libérez-moi. Non, mais je suis un vrai trouillard. Libérer, enfin voilà. Ah oui, oui, je chanterais, je ferais fuir les monstres. Mais tout ça pour dire que j'ai hâte de voir. Le Blair Witch 3. Voilà. Oui, et je vous parlerai d'un autre truc en fin de podcast, un petit bonus. Ouais, voilà. Un bonus hors cinéma. Voilà. Voilà. Et puisqu'on parlait des films solo, justement. Mais bien trouvé, dis donc. On va parler de Star Wars avec. non, je vais arrêter cette voix de merde. Star Wars avec un film, enfin plusieurs films, trois films normalement. Sur le personnage d'Han Solo, on en parlait il y a deux ou trois mois, je crois, ou même le mois dernier, je sais plus, du film Han Solo. Donc on a été sûr de l'acteur qui allait jouer Han Solo jeune, Alden Ehrenreich. Qui était dans Ave César et dans d'autres films. Je l'ai pas vu dans d'autres films, donc. Sublime créature. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Le site New York Daily News a rapporté que le studio Disney et Lucasfilm planchent sur au moins trois films mettant en vedette le jeune Han Solo. Il n'y a rien d'officiel, mais ça a été un peu dans les bruits de couloir de Disney. Voilà, et apparemment, ils ont une source à peu près sûre, donc voilà. Vous pouvez imaginer que moi je suis pas très content de ce genre de truc, parce que le truc qui était cool avec Star Wars 7, c'est qu'on retrouvait une franchise qui avait perdu ses lettres de noblesse, on va dire, même si certains sont en désaccord avec moi, et vous avez totalement le droit d'être en désaccord avec moi, mais pour moi elle avait perdu ses lettres de noblesse avec la prélogie, et que J.J. Abrams a réussi malgré tout à pas à mettre tout le monde d'accord, c'est impossible avec tous les fans de Star Wars possibles et imaginables, c'est impossible de mettre tout le monde d'accord, mais au moins il avait réussi à faire quelque chose qui redonnait à peu près ses lettres de noblesse à la franchise et qui nous faisait un peu oublier tout ça et qu'on allait de l'avant. Et déjà d'annoncer une trilogie supplémentaire, c'était déjà quand même assez assez fort. Ensuite ils ont annoncé les spin-off. Donc voilà, on s'est dit ça. Franchement, Rogue One, je l'attends. Moi, ça me tente, mais c'est pas non plus un film que j'attends. Voilà, non. C'est pas. Ce sera peut-être une très bonne surprise quand je le verrai en salle, et puis voilà. Mais c'est tout, quoi. D'ailleurs, il n'y aura pas de générique défilant dans Rogue One, apparemment. Voilà. En plus voilà. Non, mais on s'en fout de ça, c'est vraiment le dernier. Ah non, non, non, j'y tiens. Non, mais vraiment. Mais c'est, pour moi, c'est un truc d'épisode, c'est un truc spécialisé pour les épisodes Star Wars officiels. Enfin, c'est très mal vendu parce que quand je suis allé voir un Saisie Sab 2 hier, il y avait la bande-annonce de Rogue One qui passait. Il y avait des gens qui disaient c'est Star Wars, c'est quoi, c'est la suite, ouais. Je comprends pas pourquoi c'est écrit Star Wars. Je pense qu'il y aura une grosse confusion. Ouais. Pour les gens qui sont pas informés, comme ils vont voir ça comme Star Wars. Comme nous les cinéphiles, ben ils vont voir un Star Wars, ils vont être contents. Ben ils se sont dit déjà, ben puis on l'a pas vu l'année dernière Star Wars. Ils vont entrer dans la salle, mais pourquoi il y a plus Rey? Pourquoi il y a plus, pourquoi il y a plus tous ces personnages qu'on a. Enfin voilà, c'est un peu mal vendu. Bon, après, les fans de Star Wars savent exactement qu'est-ce qui va se passer, quand est-ce que ça va se passer, qu'est-ce qu'on va voir, etc. Bon, on connaît l'étoile noire, on l'a déjà vu. Mais oui. Voilà. Tout ça pour dire que ils préparent, en plus des spin-offs, ils préparent des suites aux spin-offs. Et là, ça, c'est un cercle vicieux qui me... Enfin, moi, c'est quelque chose qui me plaît vraiment pas. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font ça? Parce que Star Wars, c'est censé être quelque chose de spécial, quelque chose qui est censé être arrivé normalement, comme la prélogie, tous les 2-3 ans. Un seul film tous les 2-3 ans et on est content. Bon, pour la prélogie, on n'était pas content, mais bon, après, on s'en fiche. Mais, et là, on a des spin-offs, plus des suites aux spin-offs, et là, ça va être... ça va être la déchéance. Moi, je sais, j'ai l'impression de parler comme si j'annonçais la fin du monde, mais pas du tout. Mais voilà, moi, ça me fait un peu de peine de voir cette franchise qui s'était un peu remise sur pied avec Star Wars épisode 7, pour ma part, qui part dans des trucs qui me plaisent vraiment pas et qui sont censés... Enfin, les spin-offs, tout ça, c'est censé être de l'univers étendu, et l'univers étendu, c'est pas censé être au cinéma. C'est censé être en série télé, c'est censé être en comics, en bouquins, et on en a soupé des comics, des bouquins, des jeux vidéo sur Star Wars, et il y en a encore 3000 qui sont en préparation. Et voilà, ceux qui sont intéressés par ça sont contents, mais de voir ça encore au cinéma, moi, ça me dégoûte un peu, voilà. Alors, Morgane, qu'est-ce que t'as à dire après ça? Bah, que je suis d'accord avec toi. Moi, je la tournure que prend Star Wars, en même temps, on s'y attendait. Oui. Sachant que Disney avait racheté. Non, mais c'est pas une surprise. Non, non, c'est pas une surprise. On s'y attendait, mais ça fait chier quand même. Ça fait chier quand même. Parce que, tu sais, on a un peu d'espoir. Et finalement. Voilà. Un nouvel espoir. Voilà. Mais je suis pas. En tout cas, sur Rogue One, tout ça, c'est pas le débat. Ouais. Mais sur Han Solo, est-ce que j'ai envie de voir 3 films sur Han Solo? Non. Mais je veux même pas en voir un. Donc voilà. Je m'en fous d'Han Solo, de son adolescence, son enfance. Et ça, c'était pour. Enfin, ils l'ont déjà exploré 3000 fois dans les comics et dans les bouquins et dans l'univers étendu, en fait. Est-ce que c'est intéressant? Bah voilà. Je pense qu'ils se disent, ouais, le grand public, bah, il lit pas les bouquins, il lit pas les trucs, mais en même temps. Est-ce que c'est si intéressant pour ça que pour le grand public? C'est pour les fans de Star Wars qui font... Bah oui, ça reste très élitiste. Élitiste. Hein. C'est très élitiste. Donc voilà. Et ramener ce genre d'élitisme au grand public, je pense pas que ce soit une très bonne idée. Mm. Ou alors, ben, s'il le simplifie, ce sera pas... les élitistes seront pas très contents. Mais bon, après, ils sont pas si nombreux que ça, je pense. Qui ont lu tous les trucs, qui ont vu tous les machins. Mais voilà. Moi, je suis un peu déçu de tout ça et fallait s'y attendre, mais voilà. C'est toujours un peu un coup au coup moral pour Star Wars. Bah, tu m'étonnes. Voilà. C'est bon, t'as tout dit. Oui. On passe à la dernière news, enfin, très rapidement. Avant-dernière, avant la petite news bonus préparée par moi. Ouais. Moi, je parlerai pas parce que je regarde pas la série. Donc. Oh, il spoil. Il spoil déjà. C'est pas bien. Alors, il faut savoir quelle série je ne regarde pas, ce qui est... Ah, bon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, Donc James Cameron s'est expliqué lors du Comic-Con San Diego par rapport à Avatar 2, 3, 4, 5, donc, qui disait donc, à une journaliste qu'à l'origine Avatar devait être une trilogie, ça on le savait déjà, mais il a continué à écrire avec ses scénaristes et que la première suite a été divisée en deux, ça me rappelle les bouquins pour ados, ça. donc, ce qui faisait 4 films au total, et après, le studio était ravi de ce qu'il dit, donc cela permettra de gagner plus d'argent, et aussi d'en dépenser davantage, justement. Après, il a dit que la télévision... Enfin, parce que... On lui a posé la question si ce serait possible de faire une mini-série ou un truc à la télévision. Il a dit que ce serait inenvisageable, parce que rien que... Qu'un plan sur un avis, ça coûte plus d'un million de dollars, même s'il se passe rien à l'écran. Donc voilà. donc voilà, c'est ces explications. Apparemment, ça, enfin, on n'a pas plus d'annonces que ça sur Avatar 2 qui sortira en 2018, puis le 3, 4, 5 qui sont 2020, 2022, 2023. Voilà, donc le studio, je pense, enfin Fox est très content d'avoir ça sous son aile, puisque le premier Avatar a quand même rapporté 2,78 milliards de dollars, pardon, de recettes, donc second plus gros succès depuis de tous les temps depuis Star Wars 7, enfin derrière Star Wars 7, pardon. Donc voilà, il a juste dit que c'était pas envisageable à télé, qu'il était content de faire sa suite, il a pas donné plus d'infos. Voilà, c'est tout. C'était juste pour vous donner quelques news sur Avatar, si t'as quelque chose à rajouter là-dessus. Alors, moi j'ai envie de dire à James Cameron, s'il nous écoute, arrête de parler et fais Avatar 2 une bonne fois pour toutes. Parce que j'en ai marre qu'il se justifie sur des films qu'il n'a pas fait. Mmh. Donc, ça devient chiant. Non mais écoutez, j'ai une super idée pour Avatar 8, vous allez voir, on va aller... Bah oui, oui, mais avant tout, j'ai... Ah, mais... Oh, mais je... T'sais, chaque fois, chaque mois, James Cameron parle d'Avatar 12, Avatar 12, Avatar 9, mais fais le 2, déjà. Le 2, faut le faire. J'ai une super idée pour le 8, mais après, le... enfin, avant, c'est de la merde, mais le 8, c'est trop bien. Le 8 sera trop bien, vous allez voir, parce que le 8, on va aller dans l'espace et tout. Ouais, mais le 2, vous inquiétez pas, il est déjà écrit, mais... Justement, il est tellement bien écrit que j'ai envie qu'on ait d'écrire. Non. Il parle trop, James Cameron. Mm. Il est trop dans le blabla. Pour moi, j'ai l'impression qu'il est en train de nous enfumer, mais bien. Mm. Je sais pas ils vont sortir un jour. Je commence à avoir des doutes, hein. Et mais... pourtant, j'ai envie de voir les suites d'Avatar. J'aime beaucoup le premier et ça me ferait plaisir de repartir sur Pandora, sur je ne sais où. Mm. Parce que Cameron est un formidable raconteur d'histoire et dans l'univers, il crée des univers qui sont assez beaux, fascinants, et j'ai envie qu'il me fasse rêver, mais il parle trop, il parle beaucoup. Pour moi, il a que de la tchatche et sur le papier, il n'y a rien. C'est vraiment ça, et c'est un peu dommage. Oui, oui, complètement. Et donc, oui, c'est bien de prévoir Avatar 22, mais fais le 2 déjà. Mais c'est vrai. Ouais, donc, c'est complètement ça. Mais et bon, puis c'est surtout que moi j'ai halluciné quand j'ai vu 5 déjà. Enfin déjà 4, j'ai halluciné parce qu'au début. Ce qui me fait peur, c'est que il est tellement occupé à faire des films qu'il ne le fait pas, que ouais. Du coup, il faut même pas espérer de revoir un projet original de sa part. Hein. Ah non, mais je non. Je crois mais... que c'est terminé. Hein. Ouais. C'est fini. Donc, qu'il se dépêche parce que bah, justement, le temps passe. Ouais. Donc à mon avis, il va à peine tourner le générique, il va. Voilà, ce serait con quand même. Hein. Bah, t'imagines, non, mais je rêve, mais pour moi c'est surréaliste. T'imagines, il commence à tourner. Et... oh, mon Dieu, non, mon Dieu, les gens diront bien fait. Ouais. Mais non, mais quand tu regardes, enfin, c'est ça qui me fait un peu. Enfin, je sais pas, ça me fait peur. Je sais pas si les films vont sortir un jour, je sais même pas si le 2 va se faire vraiment. Et enfin, j'aimerais bien, et je rêve d'un monde où un jour je vais me réveiller et je lirai sur comingsoon.net James Cameron a démarré le tournage. Ouais, mais déjà a démarré le tournage, ça serait pas mal. Bah oui, déjà qu'il le démarre. Et déjà, est-ce qu'il a écrit le scénario? Ah oui, non, enfin, je pense quand même. Il y a une bonne base, mais bon. Avant d'annoncer Avatar 3, 4, 5. Oui, mais à force, le papier, ça brûle, ça meurt. Ouais. Donc ça se trouve, il y aura un incendie, il va perdre le scénario d'Avatar 2, il va devoir le refaire. Il va dire putain, j'ai la flemme. Il l'a sur un Google Drive et il se fait hacker. Oh, comme ce serait trop cool. Enfin, ce serait trop con, mais en même temps, ce serait tellement. Enfin, mais il faut qu'il fasse quand même. Drôle. Il parle beaucoup quand même, il arrête pas. Ouais, Avatar 4. En même temps, il a dit que. Ah oui, mais alors, j'avais pas tout dit, c'est que. En même temps, il voudrait. Enfin, s'il peut pas tout faire en live action, il prévoit de faire en animation. Oh mon dieu, non. Voilà. Donc. bon. Voilà. Vous avez toutes les informations. Voilà, donc. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus hein. Fais ton film et on sera. Mais oui, fais-le, James. On sera content quand on le verra, ou pas ben content oui. D'ailleurs. Hein. On n'est oui. jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Hein. Oh. Surtout quand ça s'étend comme ça. Voilà. Tu vas pouvoir parler de ta news oui, qui ne concerne que toi. Voilà, aucunement les films, mais comme on parlait du Comic-Con, il fallait bien que je parle d'une bande-annonce qui a fait fureur. Chez beaucoup toi. De chez moi et chez des milliers des millions de personnes je l'espère vu que c'est quand même une série qui est aussi adorée que détestée. Mm-hmm. Je parle donc de la bande annonce de la saison 7 de The Walking Dead, déjà saison 7, 7 saisons déjà. Oh, mon dieu, ils sont fous. mais j'ai oui, pas supporté mais la 2. Oh mais la 2 c'est une des meilleures avec la 4. Il y a la 2, la 4. J'avoue la 5. En termes de rythme, c'est pas totalement ça, mais il y a. Mais moi, j'ai regardé le premier deux épisodes de la saison 2 et j'ai arrêté. Oh mon dieu, c'est possible. Mais par contre, oui. Ce qui est marrant, que tu parles de Walking Dead maintenant, oui. C'est que j'ai fini enfin le premier jeu vidéo Walking Dead saison 1 et qu'il est tellement bien. Mais franchement, tous ceux qui aiment Walking Dead, je le conseille vraiment parce que c'est pas vraiment non plus un jeu vidéo, c'est. Quelque chose où on fait des choix, etc. Voilà. Enfin, quelqu'un qui dit. Enfin, toi, tu parles du jeu, mais en général, quand tu dis que t'es fan de la série, t'en as toujours un ou deux qui disent. Le ouais, comics, mais lis les comics, c'est mieux. Non, mais moi, je lis les comics aussi et je trouve ça très bien. Mais le jeu vidéo est tellement fort. Mais vraiment, c'est. Ah ouais, je veux bien le croire. Ouais, ouais. Franchement, si vous êtes fan et que vous avez un peu tout soupé de l'univers, et si vous n'avez pas fait ça, il faut absolument le faire, quoi. C'est. Je veux tellement. Évidemment bien le croire, mais c'est vrai que moi, pour le coup, je me contente de la série télé qui m'apporte tout ce que j'aime. Mmh. C'est vrai que bon, j'ai redécouvert la série. Je vais la faire maintenant ma minute nerd, tiens. Non, je vais être très évasif. Mais la saison 7, voilà, promet du lourd. Même visuellement, ça a l'air quand même très très très beau. Il y a des nouveaux personnages qui vont arriver. Donc, enfin, Negan arrive, ça y est, c'est la saison où il est là enfin, depuis le temps qu'on l'attendait. Le roi Ézéchiel avec son tigre Shiva, qui est d'ailleurs tellement beau, je trouve. Et je suis juste. C'est parti dans des délires là. C'est... Ah ouais, non mais là il y a le royaume avec le roi Ézéchiel. Mais c'est devenu Lost. Ah mais justement, parlons-en. Donc c'est ça qui est beau, c'est que. Non mais si, j'ai pas vu Lost, hein, de Lost, ce que j'en sais. Déjà. Pas bien, il faut voir Lost. Oui, mais c'est une série que qui me hype mais tellement. Chaque bah tu le sais hein. Oui, si vous me suivez sur Facebook, sur Twitter, vous savez que. Ouais, voilà. On est en sous-passé. Hein. Voilà. Bah surtout Negan, les pauvres. Oh mon Dieu, je vous plains. Mais surtout qu'on sait pas qui c'est alors. Oui, c'est bah oui. Enfin, en soi, moi bah, personnellement, alors... je sais pas qui c'est donc. Mais. Bah t'as lu les comics? Ouais mais je suis pas. Enfin je suis pas encore. J'ai ah, lu les 16 premiers. Donc, Ah oui d'accord, ah oui t'es loin. Mais la saison 7 promet du lourd, promet vraiment quelque chose d'assez fou. Même en termes d'ambition, ça va prendre. Il y aura des. J'ai l'impression que ce sera vraiment des arcs narratifs bien distincts qui vraiment, je pense, ça peut faire quelque chose d'assez explosif. Voilà, donc c'est une série que j'adore, donc je pense que je ne suis pas le seul, évidemment, vu le succès planétaire de la série, mais en tout cas, voilà, rendez-vous le 23 octobre pour qu'on sache enfin qui Negan a-t-il tué, parce qu'ils nous ont quand même lâché sur un twist à la fin de la saison 6. Ah, mais ça, c'est d'habitude, hein, c'est comme d'habitude. Oui, mais là, ils ont été très, très sadiques, c'est-à-dire, surtout que la victime dans les comics, on sait qui c'est. C'est-à-dire que ça, ah, ouais. On sait qui c'est, donc on suppose qu'ils ont changé un peu le truc. D'accord, ok. Donc, bon, mais la scène de fin, le tout dernier plan de la saison 6 est tellement dingue, mais je comprends que ça en a fait rager plus d'un, donc mais le 23 octobre, on saura qui Negan a tué, on sera ensemble, on pleurera ensemble, on vous fera tous des câlins, c'est trop bien, voilà. Ouais, trop hâte. Ouais. Ben, voilà, ouais, vous avez je sais pas ce que c'était, mais voilà. C'était un moment de fanboyisme, j'avais envie de le ouais, faire, non, de le dire, de dire que Walking Dead, c'est super, c'est trop beau. Et pourtant, je reviens de loin avec la série, mais j'en parlerai plus malheureusement en détail, dans une. Voilà. Septembre. Malheureusement pour vous, j'en parlerai plus en détail. Ouais. Et moi, j'aurais peut-être fini la saison 2 de Walking Dead en jeu vidéo. Et je pourrais en parler rapidement. Parce que c'est tellement bien. Je suis tellement accro à ce truc maintenant. C'est... Mais vraiment, c'est très bien. Donc, voilà, après ce moment Walking Dead, bizarrement incrusté dans ce podcast qui ne parle pas de Walking ouais, Dead, qui ne parle pas de série télé. Qui... Ouais, voilà. C'est subtil. Ouais, ça va, on a fait assez subtil. Je pense qu'on n'est pas venu avec nos gros sabots. Donc, ce podcast est enfin terminé. Après, je sais pas, je crois qu'on a fait... Voilà, on a fait trop d'heures d'enregistrement, c'est ça. 3 heures, au moins. Je dirais pas le nom. Enfin, voilà, à peu près 3 heures, je crois. Il fait une ambiance assez insupportable dans les studios Movies Nerd dans lesquels j'enregistre. Il fait très, très chaud. Mais voilà. Donc, et on a très, très faim. Ouais, on a très, très faim aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté. Franchement, ça, c'est toujours un plaisir de savoir que vous écoutez. Vous êtes aussi nombreux parce qu'on voit les nombres, on voit pas les commentaires, mais on voit les nombres qui téléchargent et qui écoutent. Donc ça fait très plaisir. Ah ben carrément. Ah ça donne envie de pleurer. Comme la fin de la saison 6 de Walking Dead. Ah carrément. Mais oui, parce qu'à la fin de la saison 6 en fait. Voilà. Non mais arrête. Fallait pas que je le relance. Voilà. Donc merci d'écouter. C'est toujours. Enfin, et si vous pouvez. Enfin, si vous voulez, vous pouvez laisser un commentaire en dessous de l'article ou. Et si vous voulez dire selon vous qui meurt. qui est fait par Negan. Ouais. Alors attends. Dites. 5 secondes, on arrive là-bas. Alors déjà, on va parler des réseaux sociaux où on peut nous retrouver. Oui. Et après, on parle de ça, si tu veux. Donc, moviesnerd.net, c'est là où vous pouvez tout retrouver, les articles, les critiques, les podcasts, même si en ce moment, on est un peu en vacances. Hein, donc, il n'y a pas énormément de choses. De toute façon, je pense que vous n'avez pas le temps de regarder un site web dans l'été. Profitez-en. D'ailleurs, hein, on n'a même pas dit bonnes vacances. Mais voilà, si vous êtes en vacances, profitez-en. Si vous n'êtes pas en vacances... Et bon retour de vacances, ceux qui reviennent. Et c'est compris des congés en juillet. Retournez bosser. C'est salaud, mais voilà. Vous aurez nos 12 voix pour vous accompagner et le rire démoniaque de Morgane pour vous accompagner. Donc voilà, moviesnerd.net pour te retrouver. Facebook et Twitter. Donc Twitter c'est movies_nerd et Facebook c'est moviesnerd tout court. Vous pouvez aussi nous retrouver sur iTunes et sur PodCloud pour nous écouter et pour nous mettre des étoiles, des commentaires, etc. Ça nous aide à monter. Des cœurs aussi, on veut des cœurs. Non, mais un peu d'amour. Sur iTunes, c'est les étoiles. Donc, voilà. Oui. Donc pour monter dans le classement, pour vous faire connaître à plus de gens le podcast. Les gens sur leur smartphone, ils jouent à Pokémon Go. Oui. Ils n'écoutent plus. Non, mais ils n'écoutent plus de podcast, c'est fini. C'est la mort. Pokémon Go maintenant. Ouais, oui. Ils veulent choper des Pikachu virtuels. De toute façon, le prochain podcast, ce sera un podcast spécial Pokémon Go. Parce que voilà on est un peu vendu. Voilà. Non, bah voilà. Et écoutez, si vous en parlez à des amis, à des connaissances, c'est très bien. Et voit des gens dans la rue, si vous voulez. Non, par contre, je serais curieux de savoir dans quelles circonstances les gens nous écoutent. Bah oui, est-ce qu'ils sont derrière bien. Un écran? Est-ce qu'ils sont dans leur bus? Est-ce qu'ils sont dans leur voiture? Ouais, dans leur voiture. Ouais. Ouais, ou dans l'avion, je sais pas. Ouais. T'imagines si Movies Nerd traverse, va jusqu'en Martinique, mais... c'est exotique, mais tout d'un coup. Mais d'ailleurs, on nous écoute, je crois, dans les îles et aussi au Maroc, en Algérie. Enfin, un peu partout dans le monde, je vois un peu la carte parfois. Bon, il y a un ou deux downloads, mais c'est quand même quelque chose. Donc voilà, écoutez, je crois que cette fin de podcast devient trop trop long. Et ce podcast est trop trop long de toute façon. Donc. Oui, mais celui-là, oui, un petit peu, on a un peu dérapé. Oui. On a complètement dérapé. Là, c'est une faute. On a déraillé, c'est horrible. Mais donc, moi, personnellement, vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur Sens Critique, TheLexal, THELEXAL. Voilà. Morgane, et si vous voulez lui demander son avis sur la saison 6, qui est le meilleur personnage de Walking Dead. Si vous voulez me dire, parce que moi je suis pour toute. Enfin, quoique, parce qu'il paraît qu'il y a un site qui a spoilé, donc les gens vont tricher. Enfin, voilà. Ah. Non, mais si vous voulez me dire, selon vous, qui a tué, qui est la victime de Negan dans la saison 6, voilà. Parce que tout le monde dit Glenn, mais Glenn, ça peut pas être lui, vu que tout le monde sait qu'il meurt dans la BD. Donc, et les producteurs savent. Je sais. Bon, non. Bon, bref, c'est pas grave. Je suis sur Twitter, donc @CinéMorgan, Morgan Cinémaniac pour les intimes, et sur Vodcaster Cinémaniac. Voilà, pareil. Voilà. Je crois qu'on a tout dit, finalement. Merci encore d'avoir écouté. On se retrouve le mois parce que on va. Maintenant, je pense qu'on va revenir à peu près à des dates 15, 16, 17 pour un Parlons Cinéma. On va être très régulier. Donc, c'est une très grande ambition. Mais en tout cas, retourner à des dates. Régulière, ça me paraît très bien déjà. 15 et 17 à peu près, donc dans une quinzaine de jours, on se retrouve pour un pas au cinéma. Il y aura sûrement moins de sujets, donc ce sera plus court et ce sera peut-être mieux. Mais en tout cas, vous aurez aussi le podcast hors série et qui celui-là sera sûrement très long, je pense, sur le bilan de l'été, donc juin, juillet, août, qui arrivera fin août, début septembre. Et puis après, on repart pour de nouvelles aventures en septembre, et jusqu'en janvier, etc. Enfin voilà. C'est le cycle de la vie, j'ai envie de dire. Ah, et c'est bon. Sur un très beau message. Voilà. Merci encore, Morgane, d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de t'avoir à mes côtés pour pas parler tout seul. Donc voilà. Allez, ciao tout le monde. Ciao tout le monde.